01 42 48 5000. Allô, qui est là? Allô, oui, bonjour. Salut. Hello, salut. How are you? Geoffrey. Salut, Geoffrey. How are you, Geoffrey? How? I'm fine. Yeah, you're fine. What do you want? J'aimerais faire une dédicace. Yeah, do you expect me to clap the table now? Il a compris que t'étais français. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire alors, mon pote? Vas-y. Je voudrais faire une dédicace à toute l'équipe et à tous ceux qui me reconnaîtront. Ok, le message est passé. Merci d'avoir des chaussures. Bah, ouais. Ah oui. Ouais, oui. Une paire de chaussures, Simon. Vas-y, pas de problème, on t'envoie ça. Ouais. Attention, il y a bientôt la sirène. Gros bisous, ouais, attention, la sirène arrive. Attention à la sirène. La sirène qui va vous faire vivre dans un instant la deuxième mi-temps du match Équateur-France. Oui, Karima. On se retrouve demain 20h, ce sera la dernière. La dernière de la saison. Oh, comment ça fait bizarre. Mais ouais, c'est passé super vite encore. Ouais, cette année. Ouais. Et la saison suivante va vite. Ah bah oui, c'est à 4 jours par semaine, ça passe vite. On sera là. Ah, oui. Demain, c'est la guerre, soyez avec nous dès 20h. Ouais, ouais, carrément, soyez là, on va tout faire. Hein. On n'a pas de limite comme Mickaël demain soir. Ah, okay. Bien. Demain, folie. Demain, ah, demain folie. On est des ouf. Hein. Oh, demain, on donne bon, là tu. Hey, tu penses que. Quel est ton pronostic, Mickaël? Oh, écoute, j'ai subi Polo là pendant la première mi-temps là, qui nous disait qu'il était énervé sur les commentateurs de Bein. Donc oui. Je sais pas, parce que les commentateurs disaient oh là là, l'équipe de France va mal, l'équipe de France est pas en forme ce soir. Ils ne veulent pas. Donc ouais, je sais pas. Écoute, on verra. Non, une petite victoire quand même. Hein, après, je pense qu'on va moins s'emballer qu'avec la Suisse. Hein. Ah oui. C'est ça. Oui, ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais bon, voilà, on se préserve pour la suite de la compétition. On verra ça, ouais. Oui. On verra ça. Bon, et ben bonne soirée alors. Bisous, à demain. Salut, ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup. Vous avez raté ça. Au lieu de me téléphoner en anonymat et me débiter vos conneries, allez les faire ailleurs avec votre numéro. C'est très sérieux. Moi, je vous dis vos films porno et tout, allez vous branler, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Comment ça va, Isabelle de Paris? Ça va bien, merci, vous? Très bien, Isabelle, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, en fait, j'ai ma copine pose caca qui a envie de chier, on est dans les bouchons. Quelle limite pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live sur Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Et allez les Bleus ce soir. Le match va recommencer dans quelques secondes. Toujours 0-0 sur la première partie. Et Suisse Honduras, c'est 2-0 également. Voilà, je vais comme ça, comme tous les soirs, je vous tiens au courant. Vite fait, juste des scores. Bon, si vous regardez le match, bah coupez le son et puis écoutez-nous pour ne rien rater de l'émission. Parce que oui, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h du lundi au jeudi. Le dimanche soir, on est là également entre 20h et minuit. Et puis je vous rappelle également qu'à partir de ce dimanche, eh ben on se retrouvera tous les soirs entre 20h et minuit. Voilà. Ah, c'est bon, ça va être bien. L'horaire des vacances, on sera là en pleine forme. Il y a Théo qui est avec nous également là. Salut Théo. Théo? Ouais. Ah, il est là Théo, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, t'as un petit pronostic pour le match de l'équipe de France là, vu que c'est toujours 0-0, on peut toujours se faire plaisir sur les pronostics. Ouais, j'aime pas trop le foot, mais au moins 2-0. 2-0, eh ben très bien, parfait. Le message est passé, on verra comment ça va se finir. Pour l'instant, en tout cas, comme disait Polo Rantaine, l'équipe de France va mal, elle ne veut pas, elle ne profite pas de ses occasions. C'est des trous de balles là qui commandent comme des merdes. Oh, j'aimerais bien voir Polo en commentateur sportif. Il y avait Lizarazu sur TF1, vous aviez qu'à changer. Oui, bah écoute, c'était Bein, après la chaîne elle était là, on va pas chipoter. Hein. Bon, alors dis-moi, Théo, là, t'as passé une bonne journée déjà? Ouais, super bonne journée, c'est déjà les vacances donc ça va. Ça va, tranquille, la vie elle est belle, hein. La vie est plutôt pas mal. Bon, alors tu veux devenir d'où toi? Ouais. Bon, t'as un peu muet, mais t'as moins de 15 ans, donc c'est possible, pas de problème. Ouais, c'est pour ça. Eh bah oui, bah profites-en. Alors justement, c'est parti, je te passe Polo. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore 15 ans ou qui ont déjà mué. Ou qui n'ont pas encore mué, pardon. Bon, je te passe Polo, Théo. Ok. Vas-y. Allô, comment t'appelles-tu? Théo. Théo, tu veux devenir doux officiel? Ouais, bien sûr. Tu veux rejoindre la grande armée des doux dont je suis le général? Ouais. Et je suis le grand maître de la confrérie des doux. Ouais. Mets-toi à genoux. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Insulte-toi. Je suis un gros con fils de pute de la mère de Toff. Elle te remercie. C'est pas une vraie insulte, mais bon, tu peux, c'est accepté. Prends ton téléphone dans la main droite. Ouais. Tape-toi sur la tête. Encore. Tête dure. Ça suffit. Tu es un doux, bravo. Ouais. Et tu seras le doux pélican. Le doux pélican. Pélican. Voilà. D'accord, ok, bah voilà. Voilà. Et bah bienvenue Théo, le doux Pélican, nouveau pseudo. Alors n'oublie pas d'ailleurs que comme tu es devenu doux et officiel, bien sûr, tu as une lourde tâche, charge même sur tes épaules. Tu dois d'ailleurs prévenir tous tes potes qu'il faut écouter l'émission 23h, 2h, la semaine, 20h, minuit, le dimanche, et qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera 20h, minuit, tous les soirs. D'accord ? Je sais pas. Bon, bah c'est parfait. Bah quand tu dis quand même avec les étrangers que tu connais pas dans la rue, hop, tu les arrêtes, tu leur dis tout ça. Il faut faire passer le message. Bon, Théo, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ? Ouais, j'aimerais bien le dernier David Guetta, la Blast Off. Ah ouais, Blast Off. Eh bah ouais, on le mettra tout à l'heure. Avec David Guetta, donc Blast Off, justement. On le mettra sans problème. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez écouter un petit Michael Jackson. Là, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il est mort. Donc si vous voulez écouter un petit Jackson ce soir, on se mettra ça avant 2h du mat, sans problème. Bon. Enfin, Théo, il avait 9 ans quand Michael Jackson est mort. Wow. Oh, ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Tu te souviens de Michael Jackson, Théo ? Ah non, c'est qui ? Ouais, ouais. Dans ça devant ma télé. C'est vrai ? Ouais, c'est vraiment plus. Ah ouais, t'as, nous on faisait de la radio d'ailleurs, le soir où il est mort. On était en direct à l'antenne et puis voilà, on l'a appris là, c'était dramatique, mais bon. Bon bah salut Théo, on te le passe tout à l'heure le David Guetta sans problème. Ouais, je peux dire un petit truc ou pas ? Eh bah bien sûr, vas-y, hein, t'as droit à 2 dédicaces puisque t'es un doux officiel. Pas vraiment une dédicace, mais bon. Bon vas-y. C'est en fait les doux avec Ryan Chanzi sur le Twitter, on a créé un site pour les doux officiels. C'est quoi le site des doux officiels ? Je sais plus ce que c'est l'URL, mais je me la passe sur Twitter. Mon Twitter, c'est Funtic underscore. Funtic underscore ? Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, ben, mets l'adresse et puis là, mets-la sur Twitter aussi, là, comme ça, je la retweeterai. Ok. Bon, ça roule. Allez, salut le doux. Salut. Le doux Pélican, salut à toi, à bientôt. Il écoutera aussi le son d'Avicii tout à l'heure, là. Restez bien sur Fun Radio. Bonne nouvelle, on est au cœur d'une heure sans pub également. Et je vous calerai aussi le son de... Chandelier. Ce sera Saya sur Fun Radio. Et un message de Chana aussi. Salut la famille, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue bien rigolo pour moi et ma pote Gaëlle? Et une dédicace à Alison. Bah alors attends, un petit message de bienvenue. T'es un gros débile sérieux, t'as rien dans le crâne. Oui, c'est peut-être pas le plus drôle. Attends. Ah, je crois que c'est un préféré de Polo ça. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, c'est ça. Et bon bah si vous voulez le message de bienvenue, bah vous demandez, il n'y a aucun problème. On fera le je t'emmerde également tout à l'heure, on aura le karaopé bien entendu. Il y a Mathieu qui dit demain j'ai mon oral de français, je vous écoute, je pense que ça va m'aider. Mais bon, pas grave. Ah, je pense que ça va pas m'aider, à mon avis, t'as oublié le pas. Je vous kiffe, et petit message de bienvenue également. Allez, nique ta mère là-dessus. Voilà, il y a Shana qui dit salut la famille, je l'avais déjà lu. Allez, la France aussi sur le Twitter qui dit hello à toute la team. Et dédicace à toutes les personnes qui, comme moi, passent demain le brevet. Bon, on embrasse tout le monde et puis bonne chance à vous. Marie, bonsoir, mes débilos d'amour. Tof, dégage sa pu. Mickaël, tu peux mettre Duck Diamond, I got you, s'il te plaît. Je te l'ai déjà mis, Marie, avant-hier. J'espère que vous allez bien, mais je pense pas avec Tof. Je vous plains. Allez, les bleus. Et Laetitia qui dit moi, c'est pas le maillot, mais le mannequin que je veux. Allez, bonne soirée. De quoi tu parles? C'est toi le mannequin. Oh non, c'est trop gentil, mais si, Laetitia. Mais si, Mickaël, c'est normal. Non, écoute, c'est gentil. C'est vrai que j'ai fait une photo avec le maillot de l'équipe de France qu'on vous offre d'ailleurs ce soir. Il y a celui de l'équipe de France, il y a celui de tous les pays qui ont participé au Mondial 2014. On vous l'offre avec Pro Direct Soccer. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Non, en fait, je regardais la photo là sur Facebook et en fait, tu ressembles un peu à Valbuena, mais en mieux, en amélioré. Oh, merci, je sais pas si on prend ça pour un compliment ou pas, oui. Mais. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas non plus. Il y a quelque chose, il y a un truc. Bah, peut-être. Bon, en parlant de Valbuena, justement, on va vous poser la question ce soir. À propos de Valbuena, pour repartir avec soit le maillot, un des maillots de l'équipe de votre choix, soit le ballon de foot, soit les chaussures officielles. Donc, si vous voulez repartir avec un de ces cadeaux. Il faut répondre à la question de ce soir. Quelle est la taille? Combien mesure Mathieu Valbuena? Vous envoyez Mickaël et la réponse. 1 mètre? Non, je vous donne 4 propositions quand même. 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82. Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Vous repartirez peut-être avec un des maillots, le ballon ou alors les chaussures de foot qui valent à elles seules 250€ d'ailleurs, hein, offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS. On tire au sort avant minuit 30. Et pour la Belgique, vous envoyez pareil, Mickaël et la réponse au 63 22. Quelle est la taille de Mathieu Valbuena? 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82? Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Voilà, à vous de jouer. On va également faire le je t'emmerde de tout à l'heure, je l'avais promis. On va recevoir plein de numéros de téléphone, en tout cas je l'espère, pour faire les nouveaux appels malveillants avec Tof, hein, et de cette manière rencontrer plein d'amis. T'es un gros débile sérieux, t'as rien dans le crâne. Voilà, ça c'était Tof, le résumé en fait de sa vie. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es. Voilà. Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire tout drôle à toi, gros PDA. Bon voilà, si vous avez des numéros de téléphone sympas, n'hésitez pas à vous envoyer ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bastien aussi. Je voudrais bien écouter Ghost de Michael Jackson. Peut-être tout à l'heure, on va voir. J'en mettrai un tout à l'heure avant de partir. À vous de nous dire lequel vous voulez. Hein. Voilà, vous envoyez Mickaël sur Fun sur le Twitter avec votre message. Ou alors pareil, Mickaël au 64 900 par SMS. Enfin, vous êtes là. Je t'attendais depuis 18h. Mickaël, je t'aime trop. C'est Marina. Oh. Gros bisous, Marina. Et puis un message aussi d'Eva qui dit: Mickaël, je vous écoute tous les soirs. On peut s'écouter le son de David Guetta avec Ain't No Party, s'il te plaît. Bon, on va déjà mettre le blast-off tout à l'heure. Voilà. Bon, bon, on mettra peut-être le Ain't No Party hein, si jamais on a envie. Hein. Pourquoi pas, éventuellement. Il y a Aude qui est avec nous aussi là. Salut Aude. Salut. Comment vas-tu Aude? Ouh, les vénères. Oh, t'as l'air énervé là. Non, je suis pas énervée. T'es énervée sur toi, t'as envie de lui mettre une claque? Attends, je t'aide. Voilà. Une, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est bon, il est rentré dans le parquet là. Non, le truc, c'est juste que j'ai eu un petit problème et du coup, physiquement, je suis pas trop bien quoi. D'accord, ok. Bon, très bien. Ah voilà, un petit problème. On va parler de ça ou parler d'autre chose? Non, c'est juste que moi, j'ai un problème, c'est que je suis amoureuse d'un mec qui est plus vieux. Plus vieux que toi? Mais t'as quel âge toi? T'as 20 ans? Ouais. Et il a quel âge lui? Il a 35. Ah ouais, ça va. Ouais, non, ça va. D'ailleurs, je tiens à remercier Océane, une auditrice de l'émission qui m'a donné 23 ans aujourd'hui. Eh ben, je t'embrasse, Océane, merci. C'est presque la vérité, non? C'est presque la vérité. On n'est pas très loin de la vérité. Mais c'est bien de se faire un peu rajeunir comme ça, c'est cool. Ouais. Bah oui, c'est gentil. Oui, d'ailleurs, de quelques jours. Elle a donné 46 ans à Toff. Quand j'avais 15 ans, on m'a donné 26 ans. Ah oui, toi c'est l'inverse toi. Bon, note, ça dépend. Il y a jusqu'à un certain âge, t'es content qu'on te donne plus. Ouais. Et arrivé à un certain âge, t'es content qu'on te donne moins au final. Bon, on va parler avec toi dans quelques minutes. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà sorti avec des gens plus âgés. Comment ça s'est passé par rapport aux parents, par rapport aux autres hein. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Reste avec nous, Aude. Et puis j'avais une petite question. Tiens, si vous nous écoutez, bah, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas le foot. Tiens, justement, t'aimes le foot ou pas, Aude, toi? Ouais, c'est pas mon truc, je prépare l'équitation. Tu préfères l'équitation, mais bon, sinon là il y a la Coupe du Monde, tu suis quand même un petit peu, pas forcément regarder les matchs, mais au moins voir un peu ce qui se passe. Je suis parce que mon meilleur ami il est à fond là-dedans, puis il me donne tous les résultats. J'ai rien compris parce que à mon avis t'as le kit ma libre où c'est ton téléphone est de piètre qualité, tu disais. Non, il est tout neuf mon téléphone. Non, parce que mon meilleur ami il est à fond dans le foot, alors du coup il me donne tous les résultats. J'ai juste dit qu'il y en a un qui s'est fait mordre, mais après. D'accord, oui, c'est ça, il y en a qui s'est fait mordre, les Suarez en Uruguay. Bon, et donc du coup, bah, selon le site Glidden, le site de rencontre pour ceux qui cherchent une aventure extra-conjugale, 78% des hommes et 68% des femmes profitent du mondial pour tromper leur conjoint. Oh bah alors. Ouais. Donc venez nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que votre copain est à fond sur le foot? Est-ce que votre copine est à fond sur le foot? Est-ce que ça vous a peut-être éventuellement donné envie d'aller voir ailleurs? Allez savoir. Vous nous écrivez maintenant, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. Et puis vous pouvez aussi nous appeler, comme je le disais, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Aude, tu restes avec nous. On se fera le je t'emmerde tout à l'heure, dans un quart d'heure. Les appels malveillants de Toff. Il y a Jules qui dit: salut Mickaël, je suis enfin en vacances après avoir passé le bac, bisous à toute l'équipe. Et Toff, je te soutiens. Ils sont vilains, mais sur le fond, je suis sûr que tu es bon. Tu peux me passer un petit message de bienvenue, s'il te plaît? Bien sûr, Jules, avec grand plaisir pour le message de bienvenue. Qu'est-ce que je vais te mettre? Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Voilà, 23h12 sur Fun Radio, on est au cœur d'une heure sans pub. Et on s'écoute le son de Dioro maintenant sur Fun Radio, 5 Hours. On est au cœur d'une heure sans pub, toujours 0-0 pour l'Équateur face à la France et toujours 0-2 pour l'Honduras face à la Suisse. Je vous tiens aux yeux, on est en direct jusqu'à 2h sur Fun, bienvenue. Le son d'Hiro sur Fun, c'était 5 Hours, bienvenue. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y aura le son d'Avicii à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio avec Lay Me Down. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, hashtag Mickaël sur Fun, vous demandez le son que vous voulez. Vous pouvez aussi envoyer M-I-K-L suivi de votre message au 64 900. Et puis en parlant de ça, je rappelle qu'il y a toujours les maillots de football à gagner, l'équipe de votre choix, une des équipes qui a été au mondial bien entendu 2014. Si vous avez la bonne réponse à cette grande question, quelle est la taille de Mathieu Valbuena? Quand je dis grande, évidemment ce n'est que la question qui est grande hein. Le personnage en lui-même n'est pas très très haut. Donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Les 4 propositions sont les suivantes. Donc 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82. Allez hop, Mickaël est la réponse au 64 900. Et puis pour la Belgique, vous envoyez pareil, Mickaël est la réponse au 63 22. Tirage au sort avant minuit 30. Il y a Dany qui dit: bonsoir Mickaël, je suis en stage et le soir je suis KO, mais j'attends 23h pour t'écouter un peu car tu déchires grave. Merci beaucoup Dany. À partir de la semaine prochaine, on est là 20h à minuit tous les soirs. Sarasvati, coucou tout le monde, bonne émission, à l'écoute de Mickaël bien sûr. Ben oui, et Lucie aussi, moi je t'écoute souvent, mais il ne m'était jamais venu à l'idée d'aller voir sur ta page Facebook. Et waouh, quel beau gosse. Oh merci Lucie, très gentil. T'es sûr que t'es pas tombé sur Tof peut-être? Non, je pense qu'il n'y a pas de danger. Non mais arrête Tof, ça se trouve. Elle aurait pu tomber. Si, c'est toi le beau gosse en fait. Non mais sérieux, elle a dû se tromper. Tu t'es trompé, c'est ouais. Tof. Peut-être. Bon bah Lucie, mais merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Michel qui dit: je suis chauffeur de taxi, je vous écoute toute la journée, vous êtes vraiment super, bisous à toute l'équipe. Mais merci Michel, à toi aussi. Il y a beaucoup de taxis qui nous écoutent. Ouais, on les embrasse d'ailleurs, hein, tous ceux qui bossent ce soir d'ailleurs, hein, les taxis, puis les boulangers, bon là ils dorment encore, mais enfin ceux qui sont plutôt vers 2h du mat quoi. Bah vous, on vous embrasse tous et vous êtes tous les bienvenus. Continuez à faire passer le message, on est là tous les soirs sur Fun, de 23 à 2h la semaine, de 20h à minuit le dimanche. Et attention, dès la semaine prochaine, on sera là tous les soirs de 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, on va prendre, on va récupérer Aude dans quelques minutes. Avant ça, il y a Elodie. Salut Elodie. Bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va super, je me suis tapé toute la journée de route. Ah ouais, super Elodie. T'as été de où à où là? T'es à Libramont en Belgique et tu vas de. T'as été de où à où? En fait, donc hier je suis partie de Libramont, puis je suis remontée sur Bruxelles, puis je suis partie à Paris. Et là j'ai quitté Paris aujourd'hui à 15h. Et t'es toujours à Paris avec les bouchons. Non. Mais je suis au sud de Lyon, enin je pense, et je suis en direction de Fréjus, et je voulais savoir s'il y avait une voiture éventuellement qui descendait par là-bas aussi, pour faire la pied route avec et voir le lever du soleil. Non, je suis en RAV4, mais j'ai pas envie de faire la route toute seule. Ah ouais. Ah mais t'es toute seule, voilà. Toute seule. Ouais, je suis toute bah attends, mais t'es bête, attends, mais Elodie, tu serais passée par la radio, on serait descendu avec toi. Bah oui. Oh putain, Elodie, je te jure. Bah oui, mais il fallait le dire. Bon Elodie, combien mesures-tu? 1m64. Combien pèses-tu? Une soixantaine de kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95. Et la lettre? C. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. Ah, il fallait venir. Bonne. Et bonne. C'est ça, toi tu vas là et tu nous préviens pas. Là, oui. Je t'aurais accompagné. J'ai pas fini, hein, je me balade en France pendant plusieurs jours. Hein. Ah bon, d'accord, ok, très bien. En France, en Italie, en Slovénie. Et c'est quoi l'idée? C'est que tu testes la clochardisation ou non, mais en vacances. T'es en vacances là? Non. L'idée c'est que en fait à la base je suis en recherche de boulot et puis je lui dis j'ai la famille en Slovénie, donc je vais partir en Slovénie. Puis ma famille qui m'a dit il y a un mariage samedi, donc je suis partie pour le mariage. Et je m'arrête à Fréjus parce que j'ai des potes par là. D'accord, donc tu veux donner rendez-vous à des auditeurs où ça Sur la route, une RAV4 avec une plaque belge, c'est pas difficile à repérer. Non, c'est hyper facile. Non mais bon, il y en a plein, il y en a plein des Belges qui partent en vacances, donc avec quelle couleur avec la voiture? Avec des grises. Elle est grise. Bon, tu sais quoi? Non mais donne ton numéro de plaque, on s'en branle avec ce qui t'arrive. Mais fais attention à toi quand même. Non, mais numéro de plaque. Ouais, bien sûr. Bon, 1 E Y V. Ouais. R U E 831, c'est ça? Bon, très bien. Bon, si vous êtes sur la route, t'es sur quelle autoroute, là? La 46. Comment? C'est celle qui fait Lyon-Marseille, en fait. Celle qui fait Lyon-Marseille, d'accord, c'est la A7, je crois. C'est la A7, non? C'est pas ça? Je crois, ouais, attends. Je pensais ça. 46, bon, Lyon-Marseille, voilà. Ouais. Donc, si vous croisez une voiture grise, une RAV4, c'est ça? Un 4x4, ouais. Un 4x4, ouais, c'est ça, voilà. Avec une plaque belge. Et il y a Elodie, t'es blonde, t'es brune? Je suis blonde. Blonde, voilà, si vous voyez une petite blonde à l'intérieur, c'est que c'est Elodie, là, vous pouvez klaxonner un petit coup, là, elle se mettra sur le côté, boire un petit café à la pompe essence. Eh, dis-moi Elodie, pour t'occuper en attendant, envoie-moi donc une photo à polo@funradio.fr. Oui, pareil pour si vous êtes un homme, hein, vous pouvez envoyer ça, bien entendu aussi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Tof est parti, hein. Il arrive. Ah, voilà, ça y est, il est parti, il est déjà là, voilà, ça y est, il a pris la 1, la 6 maintenant qu'il descend vers Lyon, là. On le suit avec un drone. Voilà, c'est ça. Et hop là. Ouais, attends, il est sur la 7, là, ça y est. Merde, bon. J'ai glissé. Ouais, malheureusement, il n'arrivera pas. Il était pas loin du but pourtant. Pourtant je l'ai vu, hein, elle était là. Je l'ai vu passer avec un bateau derrière. Ah tu l'as vu passer, ouais, c'est ça, il avait un bateau mais sur le toit. Bon, et bah écoute, bah, le message est passé. Bon, si jamais on tombe sur les auditeurs qui sont pas loin, qui ont pas eu le temps de noter, bah appelez-nous au 01 42 48 5000 et puis bah on passera le message avec grand plaisir, Elodie. Comme vous le savez. Et moi je contrôle à 2h30 au matin quand vous arrêtez l'émission, si vous savez mettre un peu de musique qui bouge pour réveiller. Non, parce que sur Fun, on met que de la musique qui bouge pas, on met que de la merde. En plus, c'est une spéciale valse ce soir. Voilà, ce soir, on met spéciale valse. Exactement, on met que des musiques dansantes. D'ailleurs, on va mettre ça ce soir. Ouais. Histoire de te mettre bien la patate. C'est ton dentof, ça. Grave. C'est l'époque où j'allais au thé dansant. Le son valse floor. Et puis après, on mettra ça. Histoire de mettre un peu plus de patates. Pêche et chasse. Oui. Le toff est un animal un peu précieux qui ne sort que quelques temps par mois. Et puis, comme toff s'est écrasé et décédé, on terminera par cette magnifique chanson. Ben oui. Paix à son âme. Voilà. Bon, non, mais oui, mais bien sûr, quoi. Mais tu veux écouter un son en particulier ce soir? Ah, j'aimerais bien avoir Apologize, comme ça je peux mettre les basses à fond et vibrer avec. Apologize, c'est quoi ça encore? Too late to apologize. Oui, mais enfin, rappelle-moi, t'as pas le titre ou le nom là, parce que ça, je connais, hein, mais j'ai oublié là. Patrick Sébastien? Non, bah non, il est con. C'est One Republic. One Republic, ah oui, One Republic, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Comment ça, ça doit être ça? Attends, je vais le taper. De quoi? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles quoi, flamand là? J'ai pas compris. Non, c'est un code avec ses dealers. c'est parce qu'en fait, elle est en train de faire un go fast et elle nous l'a pas dit. C'est ça, ouais. Non, ça doit venir de là. C'est ça que tu voulais là? C'est celui-là ou pas? Non, c'est. Oh, t'es relou. C'est Shock Value. Shock Value? Oui, ah, oui, d'accord, ok, non, alors. Alors, on n'a pas. Alors, attends. Shock Value, c'est ça? Ouais. Attends, je te promets pas qu'on l'ait en stock, là, en revanche. Sinon, bon, t'inquiète pas, on aura autre chose. Ouais. Merde, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder. Je vais regarder si on l'a pas planqué ailleurs. Et au pire, je te mettrai tout à l'heure, ok? Super. Ça roule. Allez, gros bisous, Elodie. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Merci à vous. Salut Hello, ciao à toi. Bon bah il est 23h23 sur Fun Radio, toujours 0-0 pour la France, toujours 2-0 pour la Suisse. Et il y a le Club Med qui dit salut la famille. Et non les boulangers, en tout cas moi je suis Joe au boulot. Tout comme vous, la semaine prochaine sera la dernière avant les vacances. Et j'espère que vous serez de retour pour la reprise début août. Ah ben on sera pas en congé nous la semaine. On a encore 2 semaines là, hein, donc tranquille. Ah ouais. Et on revient en août et bien sûr Club Med. Alexandre aussi, coucou toute l'équipe, je vous adore et arrêtez avec ce pauvre Toff, il me fait pitié. Et allez les bleus, mais bon 0-0 c'est pas top. Oui, là, c'est sûr. Et Léa qui dit Mickaël, j'adore votre émission. Mais c'est gentil. Et Gabriel aussi, salut, je voudrais faire une dédicace au lycée Dumont-Durville de Toulon et surtout à Ima que j'aime. Oh, bah, le message est passé. Oh, mais attendez, je pense que les gens ne comprennent pas. Toff est une légende. Mais oui. C'est-à-dire que le. Wait for it. Legendary. Ouais, il est blindé, le mec est gras, le mec. Ah ouais, il est surgrave. Ah bah la totale, quoi, la totale de chez Total. Il passe du bon temps dans la graisse. Mais bien sûr. Bon, il y aura le je t'emmerde dans quelques minutes sur Fun Radio. Je l'ai promis à Vichy, ça va arriver. Et le retour de Aude, qui est un mec de plus de 15 ans plus vieux qu'elle. C'est ça, Aude, hein? Ouais, c'est ça. Tu l'as rencontré quand? D'ailleurs, je bois un peu d'Aude de Vittel. Ouais, génial. Ouais, bois de l'eau de Vittel, c'est la meilleure. Parce qu'elle vient de Vittel, c'est pour ça. Ouais. Bon, bah, et donc, tu l'as rencontré il y a combien de temps? Vittel. Ça fait un an et demi. Et bah quel est le problème si ça fait un an et demi que vous sortez ensemble? Oui. C'est pas non, maintenant. Non, on sort pas ensemble. Ah t'aimerais sortir avec lui? Ouais, mais est-ce qu'il te prend la chatte? C'est gratuit pour être gratuit, tu vas prendre une minute là. Voilà. Gratuit pour être gratuit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fait. Ça, hein. Voilà. C'est gratuit gratuité. Pour être gratuit, c'est dingue. Enfin, bon, Aude. J'ai trop de délire, Toff. Non, mais c'est pas grave. Mais non, puisque vous le plaignez tous, et bah plaignez-le. Bah ouais, c'est ça, plaignez-le, ouais. Bon, donc je disais, ça fait combien de temps que tu veux sortir avec lui? Ça fait un an et demi que tu le connais et que tu veux sortir avec lui? Non, parce qu'en fait, quand je l'ai connu, j'étais encore avec mon ex. D'accord, ok. Et il et le sait que t'as envie de sortir avec lui? Oui, mais s'il en a conscience, je sais pas. Ah, wow. Je sais pas. Moi je pense qu'il faudrait, il faut pas oublier d'ailleurs appeler Anthony ce soir, hein, de Charleroi, qui nous donnera son avis sur France, enfin sur Équateur France. Hein. Ah oui c'est vrai. On l'avait eu hier, promis, on va le refaire ce soir. Et puis on vous fera réécouter aussi le moment où on l'a eu hier soir qui était juste magnifique, extraordinaire. T'étais là ou pas hier soir en Aude? Non, je me suis endormie. Ah, bah putain, mais t'as raté, je pense, le meilleur moment de l'année avec Anthony hier soir. Bah, là. En fait, le truc, c'est que je vous suis depuis déjà un moment. Ouais. Et non, hier, j'étais naze de chez naze. Oh, ça arrive, hein. Non, je me suis endormie, alors comme une merde. Ah oui, bah voilà, non, mais écoute, c'est pas grave, ça arrive. Et on te remettra le message tout à l'heure. On te remettra le passage. Vous avez pas des fois Azika qui... Attends, mais c'est pas possible. Aude, tu peux pas me faire croire que c'est un nouveau téléphone. On comprend rien de ce que tu racontes. Soit t'as le kit main libre, soit t'as le haut-parleur actuellement là. Non, non, du tout. Soit c'est une mauvaise occasion. Non, ou alors effectivement, ouais, mais c'est bizarre. Hein, ou alors il est mal réglé. Ah bah là ça va mieux. Ou alors t'avais ton téléphone à la place de l'oreille. Non. Ouais, parce que là on t'entend nickel. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais elle a, en fait, à mon avis, elle avait le kit main libre, elle a enlevé. Non, ou alors elle l'avait, mais tu sais, trop collé sur la peau ou un truc comme ça, c'est possible. Ah, écoute, là on t'entend mieux. Là on t'entend mieux, c'est le principal. Bon, t'es sorti avec une meuf de combien plus âgée, Toff, maximum? Plus âgée, 3 ans. 3 ans? 4 ans? Ouais, pas plus. Bah, oui, bah, on l'appelait Roger le camionneur. Non, elle avait un peu plus, il y avait 6 ans. 6 ans, parce que Toff est sorti avec un camionneur. Oui. Polo, plus âgée de combien, maximum? Je sais plus, tu sais, moi j'ai pécho, mais j'ai. Il a pécho quoi? Peut-être 5... A... Attends, comment était l'autre, la mocheté, là? Je sais pas, elle est... Ouais, 7-8 ans. Mais j'ai pas... Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas... Je suis pas parti au bout. Il a pas la mémoire des noms, quoi. Ouais, c'est ça, ni des âges, d'ailleurs. Bon, moi, ça devait être... Moi, j'ai eu une grande différence d'âge. Je suis sorti avec une meuf qui devait avoir à peu près... 70 ans. Non, tu imagines une mec qui te balance ça. Non, 6-7 mois de plus. Ah oui, quand même. Ah ouais, grosse différence d'âge, quoi. Non, j'ai jamais eu de différence d'âge. Ouais, plus jeune, un peu plus jeune, mais sinon j'ai jamais eu. Ça a toujours été dans la moyenne, quoi. Et Sandro, toi, différence d'âge, t'as déjà eu un mec plus vieux de combien? Non, le plus vieux, il avait un an de plus seulement. Ouais, un an de plus, ouais. Par contre, elle tape dans les plus jeunes, elle. Ouais. Elle est plus dans les gamins, elle. Elle aime bien la chair fraîche. Ouais, elle aime bien les plus frais. Au sens figuré, les gamins. Bien sûr, évidemment. Ne jamais sortir avec un mec plus jeune. Mais pourquoi? Écoute, ça dépend, pourquoi? J'ai fait une fois la connerie là, je ne la referai plus jamais. Ouais, mais là, c'est bête ce que tu dis. C'est pas parce que t'es sorti avec un abruti que d'office tous les gens qui sont plus jeunes sont des abrutis. Oui, elle dit ça parce qu'elle... Ouais, mais il faut immature. Mais non, mais pas tous. Bah tu fais une généralité. C'est comme si on sortait avec toi et que tu, je sais pas moi, t'as 20 ans et je sais pas, t'es peut-être immature aussi. Et on dit, oh, plus jamais je sors avec une meuf de 20 ans, elles sont toutes débiles, elles sont toutes immatures. Bah non, c'est juste une meuf et isolée quoi. Ouais, et toutes les meufs sont débiles donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il est con celui-là alors? Elles sont débiles, non, mais pour envoyer des photos sur son mail de merde, là elles sont pas débiles. Enfin, on se branle comme on peut. Et c'est là qu'on voit que les meufs sont pas toutes débiles puisqu'elles ne t'envoient pas de photos. C'est vrai. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme photo de mec? Ah ouais, là, par contre, on va arrêter avec cette merde, je refuse. Vous avez bien raison. Bon, Aude, reste avec nous. Dites-nous si vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de plus vieux ou plus jeune. Il y a Romain qui dit, oh putain, t'es un ouf, c'est moi. Ah grave, je suis un ouf dans ma tête, Romain. Chris aussi, une dédicace à mes potes avec qui je bosse de nuit et un message à mon pote Didi qui vient de se rendre compte qu'il a un micro-pénis. Bisez l'équipe, vous déchirez. Oh, ça va aller, t'inquiète. Bon, c'est bon, là. Ça arrive même au meilleur. Bon, restez sur Fun Radio puisqu'il y a les appels malveillants qui vont arriver. On va se faire le je t'emmerde et je vous répéterai encore la petite question pour repartir ce soir avec votre maillot de foot offert par Fun Radio. Ça va arriver juste après Avicii, Lay Me Down sur Fun Radio. Avicii sur Fun avec Lay Me Down. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y a Alexandre qui dit c'est bizarre, Avicii a pas la même voix que quand il a parlé hier à Damien. Bord de rire. Bah oui, étonnant, c'est bizarre, tiens. Ça. Bah oui. D'ailleurs, si vous voulez repartir avec votre maillot de foot, je vous dis ça parce qu'il y a l'équipe de France qui joue, donc forcément, il y en a beaucoup qui sont devant leur télé actuellement. Ce qui veut dire que si vous voulez gagner votre maillot de foot, vous avez plus de chances que d'habitude, vu qu'il y a moins de monde pour l'instant. Ça va pas durer, puisque le match termine dans un quart d'heure. Mais en attendant, si vous voulez participer, envoyez Mickaël espace votre réponse au 64-900. Si vous avez la réponse, quelle est la taille de Mathieu Valbuena? Voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est 1m12, 1m56. 1m67 ou 1m82. Voilà, bonne chance tout le monde. M-I-K-L est la réponse. Envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Il y a Eloudie and Love également qui dit moi j'aime Toff et je l'assume. Oh, mais merci. Tu as le droit d'avoir mauvais goût, Eloudie. Et Louis qui dit petit message de bienvenue, je vous écoute depuis 6 mois. Bah, bienvenue à toi. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Voilà, et Douce et Nolala qui dit mon père 50 ans et ma belle-mère 26 ans. Ma belle-mère lui a sauté dessus. Ah, et putain, il a de la chance lui. Hein. Bah, il a l'héritage surtout. Ah, bah lui, il s'est mis bien. Hein. J'ai pas eu mon message de bienvenue alors que ça fait plus de 2 semaines que je le demande. Si ça continue, je ne vous écoute plus. On ne m'a pas au chantage. Hop. Voilà. Voilà. Bah oui. Non mais bah surtout oui. qu'on essaie de le mettre pour un maximum de monde. On peut pas et passer ouais. notre soirée à mettre des messages de bienvenue pour tout le monde. Ce serait radio insulte sinon. Mais c'est pas bien de faire du chantage. Renvoie un message honteux. et dis je veux mon message de bienvenue et je m'excuse. Voilà. Hop, et après je t'en mettrai deux pour le même prix. François qui dit Mickaël, je te fais grave de la pub, tout mon collège t'écoute, 5 jours d'écoute, 5 jours de bonheur. Petite dédicace à mon petit cœur Kenza. C'est cool ça. Merci à toi François. Surtout si tout le bahut écoute, t'as même pas donné le nom du bahut là. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma sur la tête, je vais te couper ta croissance. Bon. Voilà, et comme on est dans les messages de bienvenue, eh bien passons aux appels malveillants. L'appel malveillant, c'est parti. Si vous ne savez pas d'ailleurs pas encore où partir en vacances, eh bien, je suis tombé sur un site, très très bon site même, qui propose des croisières, mais des croisières un peu spéciales, hein, puisque ce sont des croisières libertines et échangistes. Oh, c'est bon ça, ça coûte cher. Bah, je sais pas combien ça coûte, mais la présentation du site, c'est celle-ci. Hein. Que vous soyez nudiste, voyeur, exhibitionniste, échangiste ou mélangiste, vous êtes tous les bienvenus. Vous avez l'entière liberté en tout temps de participer ou pas aux nombreuses activités. Danse, rencontres, spectacles, ateliers, etc., etc., etc. Alors, j'ai peur de savoir ce que c'est comme atelier. Hein ouais, autant dire les choses. Oui, atelier branlette. Bah écoute, je sais pas. Donc toi, tu vas demander à tes amis si tu peux éventuellement partir avec eux en vacances, enfin avec leur femme plutôt. Bah oui, avec leur femme, oui, parce qu'avec eux, je m'en fous. Et fait. Comme ça, tu fais un petit échange, quoi. Bah voilà. Bah ça paraît un bon plan. Un peu allez, d'échangisme. Grâce au numéro que vous avez envoyé depuis plusieurs jours d'ailleurs, hein, et même ce soir encore sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va, on l'appelle le premier maintenant, 23h36 sur Fun Radio. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vouliez bien m'accompagner pour une croisière échangiste, madame. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui ne regardait pas le foot. Oui, et ça, c'est beau. C'est déjà pas... Je ne sais pas ce qu'elle regarde, mais bon, ça a l'air chiant déjà, mais bon, on va quand même la rappeler. Hein. Ouais, allez. Ça a pas l'air de son truc, le foot. Ouais. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui, alors répétez-moi ce que vous avez dit là. Ben en fait je voulais inviter votre femme pour une croisière échangiste. Et ma main sur la gueule, t'en veux? Pourquoi vous voulez mettre votre main sur la gueule monsieur, je comprends pas. Oui, bon arrêtez les conneries hein. Mais c'est pas une connerie monsieur, c'est très sérieux. Ouais ouais, bah ben, sérieux, mais le sérieux c'est, si t'as de la gueule tu viens ici devant chez moi et puis on va s'arranger. Mais espèce de petit con on va. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Il était moins gentil qu'elle hein. Oui, c'est ouais. bizarre, parce bon. Que elle, je pensais qu'il y avait un truc qui se passait. Ben ouais, ben ouais, je pensais aussi, mais en fait, non. Bon, on le rappelle quand même. Hein. Je suis déçu. Ben ouais. Allez, 10 minutes de jeu encore hein, pour Équateur France et pour la Suisse d'ailleurs aussi. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme bon, ça. Bon, arrête de téléphoner, hein, parce ben. Que là, je te vire sur les flics, moi, maintenant. Hein. Mais pourquoi vous voulez me virer sur les flics, monsieur, je comprends pas. Ta gueule est connard, et oh. fils de pute. Oh non, monsieur, enfin... Ah si. Ah, bon, oui. il est un peu énervé mais il regardait pas le foot. Bon écoute, je sais pas. Bon bah tant pis. On en fera l'autre tout à l'heure. Oui. Allez, si vous avez d'autres numéros de téléphone à envoyer, n'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Tiens, il y a un message. Ah, je veux mon message de bienvenue et je m'excuse. Ben, et voilà, bah, tu vois. Voilà. Du coup, je vais t'en mettre un bien, tiens, regarde. Un très très bien, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu. Ah, t'as été coupé mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Floriani. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Eh ben voilà, tu vois, tu l'as eu là, tiens. Et alors, c'est quoi? Ah oui, c'est Fabien qui dit mon collège, écoute, c'est le lycée de MFR de Grandjon. Ou Grandgon? On dit Grandjon, je mets Grandjon, ouais, je pense. Grandjon, ouais. Je sais pas. En tout cas, on embrasse tout le lycée MFR. Et puis François qui dit désolé le collège, c'est le collège de du Saint-Gall. Petite dédicace. Bah ben voilà, le message, les messages sont passés même. Et message aussi qui est arrivé. Moi aussi j'aime Tof. On fait l'amour tous les soirs. Pas vrai Tof? C'est ah, Bruno oui. Lala. Ah oui, avec plaisir. Bah dis donc, t'as vraiment mauvais goût. Lorraine aussi. Coucou toute l'équipe. Je vous ai ramené 6 auditeurs de plus. Ça mériterait un petit message de bienvenue pour eux. Et je voulais faire une dédicace à mon chéri Jonathan que j'aime également. Décidément, il a plein de nouveaux ce soir. C'est bien ça. Attends, je vais t'en mettre un petit message là. Peine c'est celui-là, tiens. Ouais, c'est ta mère, hein. Je te fais bander, moi. Je vais t'inculer, je vais te montrer comment tu vas bander. Au grand chapitre. Voilà, tout sympathique, bien entendu. Il y a Lucie et François avant de parler de la différence d'âge avec Aude, avec Mélissa également de Lyon. Ça va, Lucie? Ça va, François? Oui, très bien, très bien. Très bien, très bien. Bah, tant très mieux. Bien, t'es mieux. Ouais. Bon, Lucie, t'as pas l'accent de Nancy, toi, hein? Ah non, pas du tout. Hein. Ah, il me semblait bien. Tu viens d'où, là? moi j'habite Nancy et avant j'étais sur Marseille. Il me semblait bien. Eh bon, on était chez toi ce week-end, t'es pas venu nous voir du coup là. Ben non, parce que je suis pas sur Marseille, je suis sur Nancy et puis je travaille donc. Voilà. Marc, tu veux dire à Nancy. À Nancy. Alors qu'en plus, il y avait plein soleil, on était bien, mojito et tout. Oh là là. Moi aussi, j'étais bien. Hein. Ouais, mais on n'est jamais aussi bien qu'à Marseille. Ah oui, c'est sûr, surtout au bord de la mer. C'est ça, parce qu'à Nancy, tu dois quand même être triste hein, sans voir la mer, sans voir tout ça, tu vois. Le soleil mer, deux fois par an. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Enfin bon. Ouais. Bon, de l'autre côté, il y a François qui est avec nous, là, dans l'Aude. Salut François. Salut, Mickaël. Ça va bien? Salut. Bonsoir. Bon, tant mieux. Alors, il y a le casque Beats by Dre à gagner ce soir. Attention quand même, on va jouer au Je t'emmerde. Célèbre jeu du Je t'emmerde. Le principe est très simple, comme chaque semaine d'ailleurs. On appelle des gens au hasard. Vous devez placer le maximum de Je t'emmerde dans la phrase. Je t'emmerde ou Je t'emmerde. Rien d'autre ne sera toléré. Il n'y a pas de Je vous emmerde, vous emmerdez, etc. etc. Ok ? Okay. On va donc démarrer. Celui qui arrive à tenir le plus longtemps sans se faire accrocher au nez, eh bien repartira avec le casque Beats by Dre. On fait ça en deux manches. Qui veut commencer? Que le casque, on peut avoir le maillot de foot aussi. On va négocier, on verra. Chaque chose en son temps. Vérifie, sois déjà bonne au Je t'emmerde et après on verra. Bon, Lucie, François, qui veut commencer? Moi. Eh ben François, si tu veux commencer, on y va, c'est parti. On appelle maintenant le premier, François. Et dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et bonne chance à toi. Okay. On n'a pas eu de chance hier, ça décrochait jamais. Allô. Ah, comme ça on se fout en même temps, c'est bonjour. Cool. Bonjour. Allô. Allô, bonjour, est-ce qu'on peut faire un Mais il s'en branle. Il a laissé la télé, en fait, il parle pas. Bon, voilà. Bon, attends, t'emballe pas, François, on va recommencer parce que de 1, on t'entendait pas parce que tu parles pas assez fort. Et de 2, l'autre, il avait mis que le foot à fond de balle, donc on comprenait rien. C'est pas grave, on remet le couvert, François, on rappelle, et vous avez deviné qu'il y a eu une belle occasion pour l'équipe de France. Et parle plus fort, François, hein, parce qu'on comprenait rien là. Ok, c'est bon là? Ça va, ça a l'air d'aller, ouais. Ok. Allez. Ça, les gens regardent le foot, ils ne décrochent pas. Ouais, ils s'en foutent. Bon, on va appeler un autre. Allez. Prépare-toi, François. Sois bon. Allô ? Tu vois, tout le monde regarde pas. Allô. On a assez passé. C'est pas possible d'avoir aussi autant de poisses là. Alors, il t'a raccroché au nez, donc, à l'enculé. Hein. Oh là là, carrément. Bon, c'est pas grave, on en appelle un autre. Décidément, c'est la soirée ce soir. Les mecs, ils veulent pas qu'on les dérange par le foot. Ouais. Vas-y. Sinon, on fait le jeu après le foot, hein, je pense que... Eh, c'est de la folie là. Ah bah les priorités hein. Ah putain. Ah bah, le foot d'abord hein. Bon attends, je l'appelle deux en même temps pour être sûr. Bonjour. Ah bah là c'est le répondeur, très bien. On enchaîne avec l'autre encore hein, François hein. Décidément on n'a pas de chance avec toi. Ouais. Bon. Allô. Oui. Ah, oui bonjour, je suis pour faire un sondage. À votre avis, combien de fois les enfants disent je t'emmerde? Oui, une fois, ils disent je t'emmerde dans la journée, ou deux fois, je t'emmerde. Ou trois fois, non, je t'emmerde. Ouais, bah, c'est bon, elle a raccroché, François, là. Ok. Ah, le sondage était original, mais pas sûr que ce soit la bonne option. C'est un peu mauvais, quand même. Ce qui nous a fait combien, Toff? 6, je t'emmerde, François. Bon, très bien. Le score n'est pas exceptionnel. Autant dire, Lucie, que t'as un boulevard devant toi. Lucie! Oui. Bon, oui. On y va, t'es prête? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti, sois bonne. Oui. Il faut faire mieux que 6 hein, pour être un peu tranquille. On y va, c'est parti. Oui. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je me permettais de vous contacter parce qu'en fait, j'ai appris, soi-disant, que vous m'aurez dit derrière mon dos, je t'emmerde. Donc, le je t'emmerde, vous pouvez me le dire en face. D'accord? Parce que moi, je ne dis pas je t'emmerde derrière le dos des gens. Donc, le je t'emmerde, dites-moi-le en face, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à me dire, je t'emmerde, votre gros mot machin, dites-moi-le en face. Donc, elle est partie, elle est partie, elle est partie, Lucie. Décidément. La conversation est exceptionnelle ce soir avec les gens. Grosse conversation. Waouh. Bon, ça nous en a fait combien cette affaire là? Un chiffre intergalactique intersidéral de 4. 4 avant qu'elle raccroche. Eh ben voilà, donc François, t'as encore été meilleur qu'elle, dis donc, j'aurais pas misé dessus. Hein. Bon, c'est pas grave. Lucie et François, on refait la mi-temps. On refait la suite après la pub, d'accord? Ouais, ok. Va falloir être meilleur, hein. Je vous annonce directement le truc, sinon pas de casque Beats by Dre pour vous. On va récupérer Aude dans quelques minutes également avec son mec qui a 15 ans de plus. Il y aura Mélissa également de Lyon. Salut Mel. Salut. Ça va, hein? Salut toute l'équipe, ça va et vous? Bah écoute, ouais, tranquille, pépère, à la cool, quoi. On regarde le match là, tranquille, voilà. Tranquille, d'accord. Voilà, il reste 1 minute 30 et puis on va être bien là. Bon, alors, ouais. Mélissa, toi tu voulais réagir par rapport à différents âges? Oui, tout à fait. Bon, eh ben, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Tu restes encore avec nous, hein? Sans problème, pas de souci. Il y aura Paco également et Cyril. Vous êtes là, Paco et Cyril? Oui, on est là, Paco? Oui. Non, c'est Cyril. Ouais, attends, Cyril, bouge pas. Paco, tu voulais réagir aux différences d'âge aussi? Ouais. D'accord. T'es sorti avec une meuf de quel âge? Elle avait 2 ans de plus que moi. 2 ans de moins que moi. Ah, encore moins? Ah oui, oui. Donc elle était pas née, quoi. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon alors bouge pas Paco, on va en parler dans quelques minutes. Vous restez tous là, il y aura Sander Van Dorn dans quelques minutes avec Martin Garrix, ce sera Gold Skies. On est toujours en direct sur Fun Radio, vous balancez vos messages, on est jusqu'à 2h du mat, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h comme je le disais. Et puis on va encore vous offrir vos maillots de foot, je vous repose la question dans quelques secondes. Et c'est la fin du match dans quelques minutes également, je vous tiens au jus juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est sur Fun Radio, c'est parti, 23h51, il n'y a plus de pub maintenant toute la nuit. Et ce sont les dernières secondes du match. Ce match, aux Équatoriens. 0-0 pour l'instant, ça se termine dans même pas 20 secondes. Il y a 3-0 pardon, pour la Suisse face à l'Honduras. Et bah oui, les commentateurs de Bein sont tristes, hein. La France n'y arrive plus, la France ne va pas bien, etc., etc. Bon, on suit quand même le dernier corner pour l'Équateur. Ah putain, j'espère qu'on peut mettre un but maintenant. Hein. Attention, et c'est pas le but, et voilà, le match est terminé. 0-0 pointé donc. Oh. Ah oui, message qui dit vous allez me manquer pendant les vacances là, car j'ai peur de ne pas pouvoir amener mon poste de radio. Bah oui, mais en même temps, t'inquiète pas, on a des congés aussi, donc comme ça on prend les congés au même moment, on est tranquille. Et puis on suivra aussi hein, sur Facebook, le Twitter, tout ça, pas de problème. Hein. Marina aussi, Mickaël No Limit, c'est la meilleure émission de Fun pour moi, j'aimerais avoir un message de bienvenue également, merci beaucoup. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te... Ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, il y a un message qui dit j'ai ton ami, ses parents. Attends, c'est quoi? J'ai une amie, pardon, ses parents ont 19 ans d'écart. Putain, c'est chaud, ça quand même aussi. C'est beaucoup, ça quand même. Ouais, c'est quand même pas mal, effectivement. Et bon, on va récupérer Aude, comme promis maintenant. On fera la suite du je t'emmerde juste après. Aude, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Il y avait Mélissa qui est avec nous également de Lyon, là. Salut, re-salut Mélissa. Oui. Oui. Oh. Oui. Alors, Mélissa, tu c'est voulais... moi. Oui, Mélissa, tu voulais donner ton avis par rapport à Aude. Est-ce que t'es déjà sorti avec un mec plus âgé? Eh ben, ou plus oui, jeune, tout à fait. C'est actuel en plus. Ah, c'est actuel. Oh, merde. Bon, t'as quel âge toi? T'as 22 ans. Et lui? Ouais. Oui, il a 36. D'accord. Ah ouais, c'est violent. Ouais. Ouais, voilà, et puis c'est pour dire que bah ça peut marcher, mais que un mec de 36 ans, il attend pas forcément une relation, comment dire, une relation du moins pareille que ce que t'espères quand t'as 22 ans, mais il faut avoir les mêmes envies, les mêmes projets, et puis rassurer l'autre aussi, quoi. Et il veut quoi comme relation à 36 ans? Bah, une relation sérieuse, posée, et puis avoir des enfants rapidement, voilà quoi, ça change. Ah oui, ça change, ouais. Mais tu penses pas ou plus tard? Bah si, j'y pense, mais je vis le moment présent. Ouais, je non, mais bah, c'est bien. C'est le plus mais... important. Parce que quand on aura quand même, quand on aura 50, lui il sera retraité. Alors toi, t'as encore 15 ans, 15 balais à faire. Je sais, je sais, mais j'ai mon oncle et ma tante qui ont 18 ans d'écart et ils sont dans ces zones d'âge-là et ils le vivent bien. Donc, oui, oui. Ah mais je dis pas que tu vas mal le vivre. Hein. Je dis après, juste qu'il peut-être faut qu'il y aura un souci à un moment donné. Hein. Ça, je le cache pas. Normalement, voilà. Normalement, il partira avant toi. Hein. Oui, bah oui. Voilà, par exemple. Ah, mais logique. Bon. Voilà. Évidemment. Ouais. Ok, d'accord. Et lui, il a déjà des enfants? Non, il en a pas encore. D'accord, ok. Ah ouais, 36, 22, pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai peur aussi, des... parce que, tu sais, quand t'as, je sais pas moi, 50 et 40, tu penses à la même chose, la vie de famille, les machins, les trucs. Mais à 22 et 36, c'est les points d'intérêt. Les points d'intérêt sont pas forcément les mêmes. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je veux dire, je m'adapte comme lui, il s'adapte. Mais après, c'est vrai qu'il a un esprit assez jeune, assez pétard. Donc c'est-à-dire que ça lui est retourné en cours, elle a trouvé un travail. Exactement, non, pas du tout. Vous avez tout inversé en fait. Non, pourquoi pas, écoute. Non, ça, même pas. Bon, bah tu vois finalement, Aude, c'est possible. Hein. Toi, t'as 15 ans de différence, elle, c'est 14. Oui. Donc ça voilà. Marche. Ouais. Bah oui, t'as pas l'air plus motivé que ça. Attends, on va prendre l'avis de Cyril également, qui est avec nous à Belfort. Salut Cyril. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Eh ben, plutôt pas mal. Alors, Cyril, donc, explique-nous, toi, c'est quoi la différence d'âge que t'as avec ta meuf? Oh, lui, ça sent la vieille. C'est mon copain, lui. 17 ans. C'est ton copain, toi? Ouais, on a 17 ans d'écart, en fait. Waouh, il a quel âge, lui? Il a 30, il va avoir 37 ans au mois de juillet. Ça passe bien, en fait. Ça fait 6 mois. T'aimes la bite? Ouais, carrément, ouais. Ah, et qui baisse qui, alors? Comment? Mais qui fait la femme? Non, mais il n'y a plus de femmes, on se croit. Ah, putain, t'as l'impression qu'on est dans les guilds des années 80, quoi. Mais qui non, fait la femme? Il y a bien un mec. Parce que t'avais toujours une... C'était un peu la cage aux folles, quoi. Non, mais pas ça, du tout. Ça, c'est l'image de... Mais non, mais il y a bien... Il y a toujours un actif, un passif. Il y a un bourré, un débourré. Il y a un actif et passif, oui, c'est vrai. Mais bon. ils peuvent pas se fourrer tous les deux. Ouais, c'est ça. Ah, s'ils sont souples, ils peuvent. Ça veut rien dire. C'est chaud. Bon, Cyril. Ouais. Bon, et toi, ça fait 6 mois et c'est le même problème qu'avec Mélissa, non? Vous avez peut-être pas les mêmes points d'intérêt? Ça dépend. Ça dépend sur quoi, mais la plus grosse partie des centres d'intérêt, tout est pareil en fait. Oui, c'est centre d'intérêt. En fait, l'âge, c'est juste, c'est une année de naissance quoi. Après. Ouais, non, mais d'accord, après, mais après, dans la tête, si tu veux, il y a un moment quand t'as 40 balais, t'as pas les mêmes envies qu'un mec qui a 20. Hein. Faut quand même pas, même ah ouais, si non, c'est dans la c'est tête, sûr, c'est tout ce que tu veux. Moi qui ai 22 ans et demi. Et demi, bien sûr. Et bah écoute, je me vois pas à 40 ans avoir les mêmes sans intérêt que maintenant, quoi. C'est ça, voilà, évidemment. Ça tombe sous le sens, c'est normal. Oui, mais pourquoi pas? Bah attends, je crois qu'on va avoir la meilleure réaction là. Heureusement, on a quelqu'un qui est avec nous. C'est Paco qui est là de Moulins dans l'Allier. Salut Paco. De Moulins. Ça va, Paco? Ouais, toi? Bah très bien. Paco, bon. Est-ce qu'il y a un problème ton téléphone? Parce qu'on a l'impression que t'as une voix d'un gamin de 2 ans. Non. Mais non, non. T'es hindou toi, Paco, non? Ouais, non, pas vraiment, 13 ans. Ah si. Ah ouais, donc t'es hindou. Ouais, t'es hindou. Ah ouais, t'es hindou. Ah, donc t'es plus qu'hindou, t'as maman. T'as une double nationalité, la français et doux. Hein. Ah ouais, toi t'es hindou, toi, Paco. Bon, alors toi, tu veux donner un conseil à Aude aussi, puisque toi aussi, tu vis dans un décalage, quoi. Ouais. Et donc ta meuf, à quel âge? Bah moi, j'ai 13 ans. Ouais, et ta meuf? Ben en fait on est plus ensemble parce que j'ai cassé mais elle putain. Avait 11 ans. Ah, elle avait 11 ans. Mais vous pouvez pas vous laisser tranquille à 11 ans, là, autre chose à faire, non? Bonjour, elle a perdu à 11 ans. Mais oui, bah, pourquoi, oui. Et pourquoi t'as cassé avec elle? Elle t'a trompé? Non, c'est pas ça, c'est que elle était à la même classe et tout, et c'est après que j'ai appris qu'elle avait sauté une classe et tout ça. Comme elle avait sauté une classe, c'était plus possible. Ah quoi. Ouais, d'accord. Et quoi, en fait, c'est parce qu'elle elle t'avait caché des choses? Ouais, voilà, elle m'avait pas dit directement. Ah ouais, ah, non ouais, mais t'as raison, faut pas se laisser faire en même temps. Et comment vous avez fait maintenant, là? Qui a récupéré la maison et tout ça? Il n'y avait pas de maison. Ah, vous n'avez pas acheté de maison? Bah, vous avez bien fait. Comme quoi, la location, c'est mieux. Hein. Bah, oui, c'est vrai. C'est plus facile pour partager après. Bah, ouais. Et le chien, qui a récupéré le chien? Il n'y avait pas. Ah, il n'y avait pas de chien. Bah, comme quoi, il faut pas avoir de chien non plus. Hein. Et vous savez qu'ils vont faire une loi pour la garde du chien? Ouais, bah, oui, mais oui, il y en a qui se fracassent la gueule pour récupérer le chien. On s'en fout. Bah, non, mais plus, on s'en fout. Bah, on s'en fout. Moi, je le donne. Il y a quelqu'un. Vas-y, le SPA s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. De quoi, Aude? Il y a quelqu'un ici dans les Vosges, enfin, je crois que c'est dans les Vosges. Hein. Il a, bah, c'est un groupe de vieux, ils avaient leur chien, pas d'enfant, ils avaient un chien. Et le gars, il a été tuer sa femme pour récupérer le chien. Ah ouais, oh et au final, il l'aura pas puisqu'il était en taux. Il est bien avancé. C'est vraiment des ouf. Ah, c'est intéressant, tiens. Eh, Paco ? Ouais. Tu fais quoi comme métier, toi ? Mais j'ai pas de métier. Comment ça ? Bah, j'ai 13 ans. Ah, j'ai collégien. C'est un métier collégien. On avait confondu avec 31 ans. C'est pour ça, en fait. Petite question là. Oh là là, qu'on est con, là, je te jure. Oh là là. Bon, eh ben, merci, Paco. Hein. Ouais. Et c'est pour dire que là, je savais un peu rien dire parce qu'il y a mon oncle, il a 50 ans et sa femme, elle a 30 ans. Ah ouais, il s'est mis bien, lui, le pépère. Hein. Bah, mais 50 ans, c'est l'âge où tu commences à regarder en bas et tu te dis, ouais, non, il faut que je prenne une jeune. C'est ça, finalement, je vais peut-être changer quand même. Et c'est là où tu deviens tellement vieux et con que, en fait, les meufs, elles sont en train de se foutre de ta gueule, elles viennent là pour le genre et tout. Mais ouais, c'est pas forcément. C'est ça, si. Polo est tellement méfiant qu'en fait, il ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse, voilà, tomber amoureux de quelqu'un de plus violent, c'est directement pour pomper son pognon. Bah non, oui, il a raison, parce que c'est les meufs qui se sont rendu compte que les mecs de leur âge n'avaient pas un bal, ouais, et donc, du coup, elles tapent plus haut pour être sûr d'en avoir. N'importe quoi. Non, il a raison, Polo. N'importe quoi. Bon, Mélissa, Cyril, Paco, merci à vous d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez. Je vais faire une petite dédicace. Bah, vas-y, Mélissa, une personne, choisis la bonne. Bah, je fais une dédicace à la discothèque Le Carré Blanc qui se trouve à côté de Saint-Étienne. D'accord, et bon, on embrasse tout le monde là-bas et tous les Stéphanois, pas de soucis. Salut, Mel. Salut. Ciao. Salut, Cyril. Ciao. Salut, Paco. Salut, ciao. Ciao à vous, merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis Aude, eh ben écoute, vas-y, fais ta life, t'en as rien à foutre la vie des autres. Hein, ouais, t'es mais heureuse. Mes parents, t'en as rien à foutre. Ouais, mais ça fout des tensions, quoi. Mais ça fout des tensions. Ma mère, elle est tout le temps sur mon dos. T'es pas obligé de dire son âge en vrai. Hein. Déjà, t'es pas obligé de dire son âge, t'es pas obligé de dire que vous sortez ensemble. Je suis obligé de cacher. Mais non, mais bon, voilà, à un moment, c'est pas eux qui vont vivre à ta place, donc tu fais ta life, quoi. C'est sûr. C'est ça qui m'énerve avec les parents, c'est ouais mais mes parents veulent pas. Non mais qu'après qu'ils donnent leur avis. Oui mais moi je m'en fous des parents, c'est juste que ma mère du coup elle est tout le temps sur mon doigt, elle est tout le temps derrière mon cul, à faire tu sais quoi, tu vas où, avec qui, quand, ouais, mais comment. Mais ça, peu importe l'âge, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle est relou. Ça tout le temps. Voilà, elle est relou parce que non, voilà. Non mais surtout que là-dessus, elle a rien à dire parce que ma grand-mère et mon grand-père avaient 15 ans d'écart. Ouais, bah non, mais alors révolte-toi, ouais, mais te laisse pas faire, ok. Ouais, mais Aude, là, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est des problèmes différents. Tu dis ouais machin, c'est différence d'âge, tout ça. Et en plus mes grands-parents, ils étaient plus âgés l'un que l'autre. Et mais en fait ton problème, c'est juste que ta mère, elle est derrière ton cul parce qu'elle veut savoir où t'es tout le temps. C'est juste ça en fait. Voilà, donc ça. A mais pas trop voilà, de... moi je lui demande pas, bah où, avec qui, quand, comment. Bah, je pas le sort, mais tu t'en fous, t'as qu'à lui dire, voilà, ça te regarde pas. En plus t'as 20 ans, fais comme tu veux. Il y a Thomas qui dit mon grand-père a 67 ans et sa copine 34. Ouais, c'est l'amour, les gars. Je pense que la théorie de Polo vient de se confirmer. Oui. Bien sûr, ça doit être une meuf de l'Est. Elle a vu le. Mais t'en sais rien. Tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Ça arrive souvent, mais tu ne sais pas. Bien, très bien. Et ben voilà. Il y a Arthur qui dit moi, mes parents ont 20 ans d'écart et c'est dur à supporter. Pourquoi dur à supporter, Arthur là, dis-nous en plus peut-être. Et Lydie qui dit bonsoir tout le monde, en retard, mais bon, je suis pas la seule. Mickaël, je peux avoir mon message de bienvenue, c'est Nino. Non, t'es pas la seule, il y en a plein qui arrivent là. Depuis que le match est terminé, c'est la blinde, il y en a plein. Message de bienvenue, vas-y. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Et ben voilà. Bon, Aude, allez, gros bisous peux à toi. Faire une blague. Non. Non, c'est pour ton bien, je te jure, c'est pour ton bien. Ouais. Non, tu la feras dans Polo contre le reste du monde tout à l'heure à 2h. Ouais, mais là, il y a ma mère qui gueule pour que je rentre, donc... Oh, bah, c'est pas grave, comme ça, elle gueulera deux fois, visiblement, elle a l'habitude. Hein. ouais, non, mais là, je suis super emmerdée. Super. Bon, allez, vas-y, fais ta blague. En fait, je sais pas, vous suivez le foot. Ouais. Et je vois rien, et vous perdez. Ouais, parce qu'ils ont rien vu. Ouais, voilà. Putain. Allez, au revoir, Aude. Oh là là, la honte. Je te repasse. Un coup de pelle, Bah là, deux même. Attends, je te mets un coup de lance-flamme aussi, tiens, ça s'entend. Aïe, ça fait mal. Voilà. J'avais pas dit que c'était pour son bien. Oh là là. Salut, Aude. Tu m'as tué. Ah bah ouais, bah attends, il était temps, hein, je peux te dire. Bon, minuit 3 sur Fun, on se fait les je t'emmerde avec Lucie et François. La suite dans quelques minutes sur Fun Radio, juste après le son de Sander Van Dorn avec Martin Garrix et Gold Skies. Et juste après, je vous rebalance évidemment la question pour repartir avec le maillot de football de l'équipe, d'une des équipes hein, qui a été au Mondial 2014. Toutes les équipes, hein, vous pouvez choisir ce que vous voudrez. Voilà, on parle dans quelques instants après Sander Van Dorn sur Fun Radio. Le son de Sander Van Dorn avec Martin Garrix à l'instant. Gold Sky sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et un message de Laura qui dit: moi j'ai 42 ans et mon mari en a 28. Ah ouais, putain, quand même, la différence d'âge est pas mal là. Fredes 34 qui dit: hello la team, je suis enfin là après un match navrant et désespérant. Oh. Eh ben fallait pas regarder le match, Fredes 34. En plus, on donnait toutes les infos ici là en direct. Bah du coup, pour tous ceux qui viennent de débarquer, il y a toujours les maillots de foot à gagner. Équipe de France, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Uruguay, le Brésil, enfin bref, tous les pays qui participent au Mondial 2014 ou qui ont participé, parce qu'ils sont déjà plus tous là évidemment. Si vous avez la bonne réponse à cette question, vous allez pouvoir envoyer Mickaël et votre réponse au 64 900. Quelle est la taille de Mathieu Valbuena? 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82? Si vous avez la bonne réponse, c'est facile. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Tirage au sort dans une vingtaine de minutes. Julien également qui dit: gros bisous à toute l'équipe que j'adore, sauf Tov bien sûr. Tu es moche, je plains ta mère. C'est pas gentil pour ma maman. Enfin nous aussi. Un coup de pelle car j'étais méchante tout à l'heure alors que moi aussi j'ai horreur du chantage. Ah oui, un coup de pelle effectivement, ouais. Parce que c'est une auditrice qui a dit: ouais machin, si j'ai pas mon message de bienvenue, je t'écoute plus. J'ai dit bah excuse-toi. Et elle l'a fait, et c'est bien. Et c'est beau. Salut, je vous adore, Tof le plus beau, fort, etc. Je pourrais avoir une photo de vous. Si tu veux, ouais, tu fais un mail à sandro@funradio.fr avec tes coordonnées, tu demandes un pack. Et Maxime, salut, je vous kiffe, une petite dédicace au collège de Lèvres également. Et puis enfin, Hugo, j'ai ramené 10 potes, ils peuvent avoir un message de bienvenue. Ouais, je peux en mettre un, je peux en mettre 10, hein, mais je vais en mettre un global. Alors, un petit global, qu'est-ce que je peux mettre? Attends, que je regarde. Ah, il est pas mal. Non, j'ai bouffé la chatte à sa grand-mère. Ça donne ou pas? Voilà, ou même celui-là. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, en toute simplicité bien entendu, et en toute gentillesse. On va se faire le je t'emmerde maintenant, la suite et la fin, c'est parti. Lucie, François, vous êtes là? Oui. Allez, c'est parti, la suite maintenant. Lucie qui avait fait 4 je t'emmerde et François qui n'avait fait que 6. On va donc appeler maintenant puisque le match est terminé. On aura plus de chances de tomber sur quelqu'un parce qu'on a un peu galéré tout à l'heure quand même. Hein. Donc on y va, qui commence du coup? Eh ben, bah c'est François. Hein. Ok. On y va, allez c'est parti, le principe du jeu est toujours le même. Il faut placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation la plus cohérente possible évidemment, sans se faire accrocher au nez. Et le deuxième appel c'est maintenant. Attention, on ne peut pas utiliser le même scénario que le premier, d'accord? Ouais. Allez c'est parti, on y va, bonne chance François. Merci. Et puis on écoutera après ça y est aussi avec Chandelier, il y aura Pitbull, il y aura Both, il y aura Gillo également et Coldplay. Il doit être désespéré, du coup les gens ne décrochent plus non plus. Ah ça c'était sympa. Ah ouais, raccrochage au nez direct dis donc. Putain, ça m'énerve les gens comme ça qui raccrochent directement au nez. Imagine, c'est un truc super urgent, on va leur dire que leur maison elle va exploser. C'est ça quoi, putain. On recommence François. Ouais. On remarquerait que c'est toujours avec François qu'on a des problèmes. Serait-ce un poissard? Eh je ne sais pas. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre fils m'a envoyé une lettre disant « je t'emmerde », mais je comprends pas pourquoi. Donc, veuillez bien vous excuser d'après ce « je t'emmerde ». Quel téléphone de merde, François. Qui m'insulte. Donc, retirez votre « je t'emmerde », parce que franchement, les « je t'emmerde », j'en ai marre. Il a raccroché. Eh ben voilà François, heureusement que je t'ai dit de parler plus fort François. Bon, ça nous a fait combien ça? 5. 5, moins bien que tout à l'heure François. Oh là là. Ouais. Bon, Lucie. Oui. Bon bah faut faire mieux que 6, hein. Tu fais 7, tu gagnes, ok? D'accord. Allez c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Votre correspondant ne souhaite. Eh bah c'est parfait, et on y va, on en appelle encore un autre. Ça aussi ces gens qui m'énervent, n'acceptent pas les numéros masqués. Et alors? Allez. Non mais c'est pas possible cette poisse ce soir là. Bon j'appelle un autre. Putain je sais pas combien d'appels on a fait pour en avoir 3 malheureux là. Oh. Heureusement on aura Anthony après Charleroi là. Qui débriefera le match de l'équipe de France en tant que grand spécialiste footballistique. Oh man, this is gonna be bad. Ah putain, c'est pas possible, mais l'ancien répondeur. Allez Lucie, on y va. On y croit. Ouais bah j'espère. Non mais c'est une blague. C'est un truc de ouf, tant pis j'en appelle deux en même temps. Hein. Ouais, ah bah ouais, mais 3, bon, vas-y, si 3. Il y a un moment. Bonjour. Ah bah voilà, c'est le répondeur. On va jamais y arriver. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je vais me permettre de vous appeler en fait, parce que je reçois de votre numéro en fait que des SMS avec je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et je reçois que des insultes de je t'emmerde. Alors j'aimerais savoir si c'est de votre part, parce que les je t'emmerde, voilà, les je t'emmerde, c'est pas trop. Ah, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, le dernier je t'emmerde n'est pas valable, elle avait déjà raccroché. T'en fous, on en a combien? 5. François? Oui. C'est gagné. C'est gagné, même si tu n'as pas été très bon, François, faut quand même dire les choses. Hein. C'est Lucie qui a joué de malchance. Ouais. Ça arrive, hein, Lucie. Hein. Bon, c'est pas grave, t'es pas trop déçu quand même, ma belle. Moi, je pense qu'on a joué de malchance sur toute la longueur. Hein. Bah ouais, on a joué de malchance depuis le début du jeu, de toute façon, ce soir. On n'a pas eu de bol du tout. Hein. Moralité, ne plus faire ce jeu quand l'équipe de France joue. Ouais, oui, si on saura pour la prochaine fois. Voilà, on saura pour la prochaine fois, on mettra en grève. Comme ça, au moins, on est tranquille, ça décrochera plus facilement. Bon, c'est pas grave, Lucie, je te fais quand même des gros bisous et tu rejoues avec nous quand tu veux. D'accord? Si je peux passer une petite dédicace. Mais évidemment, vas-y, vas-y. Merci beaucoup, j'aimerais faire une grosse dédicace à mon chéri Jordan que j'aime énormément, il m'écoute ce soir. Ouais. Ma belle-sœur Lindsay et son chéri qui m'écoutent ce soir également et tous mes amis qui m'écouteront. Voilà. D'accord, eh ben écoute, je te fais des gros bisous. Et merci à vous aussi. Bah, avec plaisir. Salut Lucie, ciao à toi. Bye. Et puis François, eh ben écoute, tu repars avec le casque Beats by Dre. Du coup, on va prendre tes coordonnées en antenne, on va t'envoyer ça rapidos. D'accord. Ouais, je peux faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y François, une seule personne, choisis la bonne. Ok. Une dédicace à Manuel Nieto, mon réalisateur de film. D'accord, ok, très bien. Eh ben message passé aussi. Salut à toi, à bientôt. Merci. Ciao François. Ouh, eh ben voilà. Enfin, on a galéré avec le jeu là ce soir. Wow. Bon, heureusement, on a Anthony avec nous maintenant. T'es là, Anthony? Ouais, Michael. Bon, dans un instant, tu vas nous faire un petit débrief sur le match de foot qui vient de passer entre la France et l'Équateur. Oui. T'as regardé le match, hein? Oui. Bon, t'as ton avis bien fait là? T'as bien réfléchi à tout ce que t'allais dire? Oui. Bon, c'est parfait. Anthony? C'est moi ou le match n'est pas fini chez lui? Non, chez lui, il y a un peu de décalage horaire. Ah, ok, ok. Mais oui, oui, c'est normal. Bon, en attendant, on va parler évidemment de nos amis Teubé de la télé, bien sûr. Oui. Et c'est un Belge qui a trouvé comment bien prendre la tête aux grandes surfaces. Vous allez voir, c'est très pratique. Norbert, un Belge de 66 ans, collectionne les bons de réduction. Il en a même fait une arme qu'il utilise contre les grandes surfaces pour des associations caritatives. Ce jour-là, dans sa mallette, il a 200 coupons qu'il va échanger contre des meubles de jardin d'une valeur d'1 million d'euros. Je vais passer commande pour 1 million d'euros en ne payant qu'avec des bons. 10% de 10% de 10% d'un million, eh bien ça fait zéro. Ah bah voilà, et il est content. Voilà. Ouais, enfin, c'est surtout la grande surface qui doit l'avoir. Oui, bah là, pour le coup, effectivement, elle était ravie. Hein. Bon, dans l'amour et dans le pré également, on a le plus beau compliment qu'on puisse faire à un mec. Mon domaine, c'est plus l'histoire. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu, tout à fait. Et je dois reconnaître que qu'est-ce que t'es craquant parce que tu ressembles à Napoléon. Alors là, c'est clair, quand t'as parlé à la caméra, j'ai dit, là, il a forcément ce truc que les autres peuvent pas voir, il y a que moi qui peux le voir. Voilà. Ah oui, il ressemble à Napoléon, dis donc, quel beau compliment. Hein. Tu me plais parce que tu ressembles à Napoléon. Ouais, c'est trop beau. Qui a dit que les femmes des Bleus étaient chiantes? Ces dames qui sont plutôt exigeantes, puisque sachez qu'elles n'étaient pas du tout satisfaites de leur hôtel à Rio, un hôtel 4 étoiles. Elles ont demandé 3 fois à changer d'hôtel pour finalement obtenir ce qu'elles voulaient, un 5 étoiles à Copacabana. Tranquille quoi. Bah oui, tant qu'à faire, tant qu'à se mettre bien. Bah c'est ça, attends, c'est un minimum. Non mais n'importe quoi, je te jure. Bon, minuit 16 sur Fun, message qui dit Sandro, pourrais-tu m'envoyer un pack phone? Non, c'est pas un pack phone, c'est un pack fun. F-U-N, voilà, pack fun. Romain qui dit mort de rire, Anthony Charleroi. Bon, on va le prendre dans quelques minutes, tiens, justement, pour réagir par rapport au football. Allô Anthony? Oui. T'es là? Oui, toujours. Bon, très bien. T'as la radio derrière toi, à fond de balle, là? Non, c'est la télé qui va, c'est mon frère qui gagne un autre match, le match de tantôt. Le match de tantôt? Ah, le Suisse Honduras? Non, je sais lequel que tu regardes. Bosnie, machin. Ah ouais. Bah, Bosnie, franchement, machin. Hey, moi, à sa place, je regarderais Brésil-Croatie le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde. Bah oui, c'est le moment. Bah oui, comme ça, il est tranquille, hein, il pépère. Non, c'est parce que comme on fait demain de temps et que mon père, en regardant l'équipe de France, bah, il voulait voir celui-là, quoi. Ah ouais. Parce parce qu'en fait, ils étaient pas à la même heure. Hein. Mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bon, alors, quel est ton avis, toi, par rapport à l'équipe de France, Anthony, là, quoi, parce que quand t'es un spécialiste du foot. Bah, non, c'est mieux mérité. C'est tout. Grosse analyse. Non, enfin, la première mi-temps, il y a eu des occasions de chaque côté, donc. Des occasions, c'est-à-dire peu de kilomètres. Voilà, possibilité de mettre, enfin, des grosses occasions qu'ils ont ratées, donc ils ont pu marquer. D'accord. Et en deuxième mi-temps, la carte rouge est méritée. Carte rouge de qui? Il n'y a pas de carte rouge. Pour l'Équateur Oui, pour l'Équateur. Ah, je l'ai raté. Ah, mérité aussi, qu'est-ce qu'il avait fait, le méchant? Je sais pas, parce que j'étais en train de regarder un truc sur PC, donc j'ai pas vu, mais je sais bien qu'il y avait carte rouge. Comment tu sais si c'est mérité, alors? Parce que mon père m'a dit. Ah, toi tu fais confiance à tout le monde, toi? Oui. Ah, d'accord, ok, très bien. Et le pénalty, t'en penses quoi du pénalty manqué, là? Bah, il devrait mettre un... C'est Pogba qui a tiré, non? Non, c'était Benzema. Normalement, il l'aimait parce qu'au Real, il l'aimait, donc... Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est dommage. Hein. Ouais, moi je trouve que Benzema qui rate ses trois pénaltys là ce soir, c'est quand même ça prouve quand même que l'équipe est pas prête, quoi. En plus, la France est déjà qualifiée, donc elle s'est pas foulée, quoi. Ouais, non mais d'accord, mais bon, quand même, ça veut dire que l'équipe est pas prête. Tu crois que la France va sortir les doigts du cul? Parce que rater trois pénaltys en un soir, c'est quand même chaud, hein. Non, elle va pas s'en sortir. Elle va passer le premier tour et après elle va se rééliminer en quart de finale par l'Allemagne. Donc en quart de finale par l'Allemagne. Elle passe quand même le 8e, quoi. Quand même le 8e, ouais, bon bah oui, face à Honduras. Face au Niger, pardon. D'accord, ok. Bon bah écoute, bah merci Anthony, hein, pour cette analyse à chaud. Hein. Grosse analyse, bien. grosse analyse. Bon, salut à toi Anthony. Hein. Ouais, salut. Allez, ciao Anthony. Pour nous, on va confiance puisqu'il n'a pas eu un seul pénalty dans le match. Non mais on sent que c'est un mec qui maîtrise le foot, hein, qui a bien compris de quoi ça parlait. Je lui dis 3 pénaltys. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'au Real il les met tous, hein. Et tout. Alors qu'au Real il ne le tire pas les pénaltys puisque c'est Cristiano Ronaldo. Non, on a quand même quelqu'un de lourd là. On a quand même quelqu'un de lourd et ça c'est le principal. Bon, restez sur Fun Radio puisque dans quelques minutes justement on était avec Anthony. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a eu Anthony au téléphone et on a eu un très grand moment où on s'est quand même hyper marré. Donc on va vous le remettre dans quelques minutes parce qu'on vous aime bien. Et puis on écoute le son de Saya maintenant sur Fun Radio, Chandelier. On donne la réponse également pour le maillot de foot aussi dans moins de 10 minutes. Et puis les derniers appels malveillants, enfin le dernier, la suite des appels malveillants également dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Party girls, don't get hurt, can't feel anything all for tonight. Saya sur Fun Radio, Chandelier. Ah bah dis donc. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Avec la réponse à la petite question là pour repartir avec le maillot de foot ce soir, attention, je la répète, quelle taille fait Mathieu Valbuena? Est-ce qu'il fait 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82? Si vous avez la bonne réponse, il y a les maillots de foot à gagner de l'équipe de votre choix. Il suffit d'envoyer Mickaël et la réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Tirage au sort dans un tout petit peu plus de 5 minutes. Quelle est la taille de Mathieu Valbuena? Je répète, 1m12, 1m56, 1m67, 1m82. C'est une des 4 bonnes réponses. Hein. Autant vous dire que la première et la dernière sont peut-être un petit peu... Enfin, je ne dis rien. Voilà, bonne chance. Dans 5 minutes, on tire au sort. Maillot de foot à gagner ou ballon de foot ou même les chaussures de foot. Vous choisissez le cadeau que vous voulez. Je passe une dédicace de la part de Marianne au collège Jules Ferry de Joinville. Même si je sais qu'il ne m'écoute pas. Ah bah ça vaut bien la peine. C'est vrai, c'est bien utile. Faut les appeler Marianne là pour les prévenir d'écouter l'émission sur Fun Radio le soir là. Eric Kelly, putain, mais sur Fun, vous kiffez parler avec des blaireaux. Le mec qui parle du match, le carton était pas du tout mérité. Oh oui, oui, oui. Dans ce cas-là, digne, il devrait en prendre 2 d'un coup. La France ne gagnera pas la Coupe du Monde cette année. C'est un message qui est envoyé aussi. Et message de Kevin qui dit Anthony a un très grand talent de débriefer que Damien le canulariste avec la musique. Bisous la team. Et Romain qui dit mort de rire Anthony de Charleroi. Et attention, vous l'avez certainement peut-être pas écouté le passage d'hier soir d'Anthony. Ah là là. C'était du caviar. Pour ceux qui n'étaient pas là parce qu'on les fait ça, il était vers 1h30 du matin à peu près. Hein. Je vous le remets maintenant un petit peu plus tôt parce que c'était pas du caviar, c'était au-delà du caviar. Bon Anthony, oui,

Oh, je sais pas. Et avec sauce tomate? Ouais. Ah bah c'est bien, c'est bien. Et t'as suivi le match ce soir ou pas? Lequel? Bah je sais pas, lequel t'as suivi? Celui d'Italie. Celui d'Italie, c'était très bien, hein? Ouais, on peut dire ça. Bah l'Italie a gagné, hein? Non, elle s'est battue, j'ai pleuré. Ah t'as pleuré parce qu'elle a perdu? Ouais. Oh c'est rien, c'est une équipe de foot. Bah oui, bah je suis comme ça, moi je suis insensible. Ah t'es insensible? Oh. T'es insensible, oh, bah, donc t'as aucune sensibilité. Si, j'ai un petit sensible, je voulais dire. Ah t'es un petit sensible, ah oui d'accord, ok très bien. Ouais. Bon bah c'est parfait alors, très bien. T'avais encore un truc à ajouter, Anthony? Oui, par rapport au sondage. Quel sondage? Avec le mec qui t'a maquillé sur sa copine. Parce que là on entend nouveau trop fort. Avec le mec qui quoi? Qui était mal sucé par sa copine. Ah, qui était mal sucé, oui, c'est ça, ouais, vas-y. Et donc, tu voulais dire quoi, toi? Toi, tu suces aussi ou pas? Ouais. Parce que je rappelle qu'Anthony est gay. Oui, il est gay. Il est gay, il est bi, hétéro et hétéro curieux. Il est tout en même temps, lui. Et toi, t'aimes bien? Bah, ouais, franchement, ouais, si me le aussi, ça va. Bah, c'est parfait, alors écoute, tant mieux. Hein. Eh bah, merci, Anthony. Hein. C'était parfait. Ouais. Merci à vous, Mickaël. Eh ben écoute, avec plaisir. Tu repasses quand tu veux, t'es chez toi ici. Hein. D'accord. Je passe bon. avant que tu partes. Comment? Je passerai avant que tu ne partes. Ah oui, tu repasseras. Évidemment, je compte sur toi pour repasser à l'antenne. Hein. D'accord. Bon, voilà. Et donc, on l'avait eu hier soir, justement, ce fameux Anthony. Voilà, il y a Corentin qui dit dire que j'ai loupé ça. Pierre qui dit aussi coucou, Mickaël, vous êtes les meilleurs, sauf Toff, la Zibiloute. Fredes34, oh my god, vous êtes con, j'en pleure de rire. Putain, mais nous aussi, on en pleurait de rire. Benjamin qui dit mort de rire, sérieux, c'est trop fort. Jeanne-Françoise qui dit cet appel d'Anthony était très feng shui. Virginie aussi, il est vraiment trop fort. Mickaël, bah merci, Virginie. Et puis, message d'Eric qui dit il est ch'ti, ce mec, son papa et son oncle, c'est la même personne. Et puis un message aussi, pourquoi faire passer ceux qui vous appellent pour des ânes? Oh mais t'as rien compris. C'est le genre de messages qui viennent personnes qui n'ont absolument aucun humour et qui ne comprennent pas. On se fout pas de sa gueule, hein, non, Anthony, on rigole avec lui. Plus, ouais. Il passe souvent en plus. Oh là là là là, tous les gens qui sont toujours au premier degré, c'est quand même dingue ça quand même. Marie qui dit aussi mort de rire avec Anthony, je suis plié en deux, mon père m'a engueulé. Mickaël, je vous écoute depuis un mois, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Je m'appelle Marc. Et vous pouvez mettre Wiggle. Attends, mais Marie, en fait, tu t'appelles Marc? Je comprends rien. Marie, elle s'appelle Marc? Bah, sur le Facebook, je vois Marie, et puis un message qui dit je m'appelle Marc. Ou alors c'est une merde quand on a fait coller les messages. C'est possible que ce soit notre message. Ouais, bah wiggle si tu veux, pas de problème, on mettra ça tout à l'heure. Et Mathis qui dit moi j'écoute Mickaël, je regarde le foot sans leurs commentaires de merde. Tout ça la veille du brevet. Ben bravo, ça c'est un message de tout à l'heure ça. Eh ben ça va être beau demain, moi je vous l'annonce. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va prendre Fred avec nous de Lyon. Salut, ouais. Fred. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais bah ça va, là je suis dans les commentaires du bac. Eh ben écoute, tu t'es mis toi aussi de l'autre côté de la pièce là? Ouais, toi aussi t'as fait comme Anthony ou pas? Ah non, moi je suis à 500 mètres de la porte à l'ouest et vers l'est. Bon alors c'est bien, normalement ça va bien se passer alors. Mais t'as le kit main libre ou le haut-parleur? Non. D'accord, c'est bizarre parce qu'il y a un peu d'écho. T'as pas de meubles alors? Si. Ah oui, c'est bizarre. Non, mais non, parce qu'il y a un peu d'écho, c'est bizarre. On dirait que t'es dans une pièce vide. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Alors moi je vais parler des nominations Facebook. D'accord, ok. Ah oui, c'est les jeux, c'est genre tu payes un resto, tu sautes ou un truc comme ça. Ouais, bon, ça va être pire en pire. Eh ben, bouge pas, Fred, on va en parler dans quelques minutes. Et puis, pour ceux qui n'ont pas d'humour, là, coupez votre radio parce qu'on aura Jean-François à suivre. Hein. Donc, pour ceux qui sont coincés au premier degré, là, vaut mieux écouter autre chose parce sinon, vous risquez de mal le vivre. Et pendant que vous allez être aigri, nous, on va s'amuser, on va se marrer. Exactement, avec tous ceux qui sont open. Pitbull et Gilou, on va s'écouter We Are One. Et puis, on aura les appels malveillants et je le rappelle, le gagnant ou la gagnante ce soir du maillot de foot. Je rappelle la question encore une dernière fois. Combien mesure Mathieu Valbuena? 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900. Bonne chance tout le monde. Bah justement, on est dans la Coupe du Monde. On va s'écouter Pitbull et Gilo maintenant. C'est We're One. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. mais dans votre dimension, Mika-L. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, avec plein de messages qui arrivent. Et puis on va faire le gagnant ou la gagnante maintenant, avant de faire les appels malveillants. Gagnant ou gagnante donc du maillot de football. Il fallait répondre à la question: quelle est la taille de Mathieu Valbuena? On appelle maintenant gagnant ou gagnante. C'est parti, à minuit 39. Si il ou elle décroche et répond, évidemment, ce sera gagné. Allez, c'est parti. On y va. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Laura. Salut Laura, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, dis-moi Laura. Et je t'appelle parce que tu t'es inscrite en envoyant et Mickaël et ton message au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et il fallait répondre à la question: quelle taille fait Mathieu Valbuena? Alors Laura, ou Laura pas le maillot? C'est drôle ça. Oh là là. 1m12, 1m56, 1m67 ou 1m82? 1m67. Eh oui, il est tout petit. Il est pas très grand effectivement. Oh, ouais. Bon, alors du coup, tu veux quel maillot, de quelle équipe? À mes origines, le Chili. Le Chili? Ah oui. Ah bah d'accord, ok, ah, très bien. Le Chili, alors le d'accord. Le Chili. On ne m'avait pas demandé, alors autant l'équipe de France, on en a eu 150 000. Les Diables Rouges, on a eu le Portugal hier. Le Chili, non. Mais ne t'inquiète pas, il y a du stock. Hein. Ah bah là, il y a du stock. À ce on va chiller au Chili. Eh bon, on va chiller. Exactement. Bon, eh bah écoute, salut à toi, alors. Tu restes au standard, salut. On va prendre tes coordonnées. Et puis bravo, alors. Salut à toi, à bientôt. Merci. Ciao. Et on va le couvert demain, bien entendu, avec d'autres cadeaux et avec d'autres maillots à gagner. Et Pierre qui dit le meilleur épisode d'hier dans Mickaël était sans doute l'appel d'Avicii. Ouais, c'est vrai. On le remettra à l'occasion. Oh, on va pas t'en mettre ce soir parce que sinon on va passer la nuit à mettre que des rediffs. Mais on va le remettre à l'occasion, l'appel avec Avicii. Oh, là. Mon Dieu. Et Captain Sans Sushi, coucou rapide de la team, ça faisait longtemps. Bah, salut Captain sans Sushi. Voilà, message est passé. Et on va se faire les appels malveillants puisqu'on est tombé sur un petit prospectus qui proposait de partir en croisière club échangiste. Oui, moi j'ai trouvé ça très sympa comme voyage. J'imagine. Donc du coup, t'appelles des gens pour leur proposer de partir avec leur femme et de les échanger sur place. Bah oui, parce que en même temps, je peux pas y aller tout seul, quoi. Non, bah c'est clair. Bon, donc grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, continuez d'ailleurs, numéro de téléphone de gens qu'on pourrait éventuellement appeler, qui sont un peu nerveux, n'hésitez pas d'ailleurs à nous les envoyer, ces numéros-là. Eh ben, on fait les appels tous les soirs, appel malveillant, c'est parti. Et Sandro qui a bouffé un paquet de bonbons, mais boit de l'eau, pour compenser. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme pourrait m'accompagner pour une croisière échangiste. Non, merci, au revoir. Non, mais allô? Ouais, non, mais il veut pas. Bah oui, mais bon. On va quand même le rappeler, des fois qu'il n'est pas bien compris. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous voulez bien m'accompagner pour une croisière échangiste, madame. Non, mais vous êtes cinglé ou quoi? Non, en plus, ça n'est pas une heure pour emmerder le monde. Mais je vous emmerde pas, madame. Je veux savoir si vous voulez venir avec moi pour une croisière. Vous êtes un taré, monsieur. Alors allez vous faire soigner. Mais pas du tout, madame. Pourquoi vous dites ça? Allô? Si, elle a raison. Hein. Vous êtes un taré. Dingue. Et ça, c'est complètement... Oh, si, si, si. Non, je suis pas un taré. Bon, attends, on rappelle. Allez, on y retourne. On remet le couvert, là. Espèce de connard, ben. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Oh, t'as ressenti le raccrochage violent là? Ouais, ouais. Il était vénère là. Vénère. Là il était pas vénère, il était au-delà du vénère. Bon bah tant pis, on en appellera d'autres tout à l'heure. Restez bien sur Fun Radio, on aura Jean-François à suivre dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt. Et on a le retour de Fred de Lyon. T'es là Fred? Fred? Tu peux te mettre plus loin, on t'entend mal. Non, ça va pas marcher. Si, hein. si, vas-y, on t'entend mal. Non, là, oui, ça oui. Va. Non, mais sérieux, là, tout de suite, on n'entendait rien. On entendait juste vraiment hyper loin. C'est pour et ça là, qu'on a fait bon, la vanne. Ah bah là, c'est parfait, ouais. Ah, bah, bon, eh bah, bienvenue à toi, Fred, de Lyon. Bah, merci là. Bien. Bon, tu voulais parler de Facebook et des défis, là? Ouais, par rapport à l'incident qu'on a eu sur Lyon ce week-end aussi à cause de ça, ouais. Il y a eu quoi? Bah, il y a en fait un mec, il a fait un défi Facebook, il a sauté du pont, en fait, avec son pote, et il est sauté attaché, en fait. Ouais mais bon et quoi, du coup parce que ça fait quand même le troisième mort qui est à cause des défis Facebook. Ouais mais bon écoute, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui sont décédés, c'est triste, mais genre il y a un moment faut pas être con quoi. Il y a un mec qui a sauté avec son vélo, il savait pas nager, le mec il a coulé. Mais qu'est-ce qu'il s'attendait à quoi? Mais moi, je me souviens quand j'étais gamin, peut-être chaque fois que tu faisais une connerie, je disais ouais, mais c'est lui qui m'a demandé. Le prof, il me faisait ouais, si tu te demandes de jeter du pont, tu vas le faire. Ouais, voilà. Ouais, bah là, ouais. C'est pareil. Enfin, je veux dire, si tu ne sais pas nager, ne saute pas dans un endroit où il y a de l'eau, pour ne pas payer le resto. Refuse le défi. Enfin, je sais pas. Non, mais paye un moment, resto. Ou paye le resto. Enfin, si tu peux, peu importe à la limite. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est de voir les gens. Oui, Facebook, c'est dangereux. Regarde, de pire en pire. Mais on force personne à faire ces conneries. Non, c'est la bêtise. Enfin, je dis on a rien demandé à personne, nous. Hein, mais je veux dire. C'est juste que voilà, moi j'ai vu les trucs passer, bon tu fais pour te marrer ou tu fais pas, mais c'est évident que si on dit bah saute dans une piscine ou dans une rivière ou dans je sais pas quoi, sinon tu payes ton resto, si le mec ne sait pas nager, ne saute pas dedans. Oui. Bah voilà, mais bon après. Mais c'est la bêtise des gens, c'est la bêtise des gens. Il y a une alternative, parce qu'apparemment il suffit juste de te mouiller, donc ils auraient pu se mettre une bassine d'eau dans la gueule ou se tremper dans une piscine. Mais après c'est juste que ça part la bêtise des gens part trop loin quoi. Ah bah oui, mais là ça on n'y peut rien, et Facebook non plus, tu vois, pour le coup. Ouais. Je défends pas ni l'un. Enfin si, pour le coup, là je défends Facebook, parce que bah, en même temps, eux ils ont rien demandé. Hein. C'est les gens sur Facebook qui ont lancé le délire. Non, mais ça c'est la technique des gens, tu sais, pour se dédouaner, en fait, ils trouvent toujours un responsable. Oui. Non mec, vous êtes con, vous avez des défis à la con. Donc assumez vos conneries. Voilà, quoi. C'est comme les mecs qui refaisaient les trucs de Jackass. Ouais. Mais voilà, c'est des professionnels, c'est des mecs, voilà, ils font ça pour rigoler, pour se marrer. Et c'est pas un truc que tout le monde peut faire. C'est pareil. Il faut être équipé. Mais après là, c'est juste qu'en fait, on dirait qu'ils vont plus loin pour impressionner tout le monde. Mais ça c'est le problème. Tu sais, c'est comme si t'as un mec qui va dire ouais, bon, tu fais un défi ou tu t'écrases en voiture à 200 km/h contre un mur. Bah l'autre il va s'écraser. Ah bah bien sûr, mais il y en a qui vont le faire hein, pour pas payer le resto, bien sûr. Bah, oui. Et après, oh il est mort à cause de ça. Bah oui, mais bon, il y a un moment, enfin si tu veux, tu peux refuser le défi et puis basta, l'affaire est pliée. Hein, ouais, voilà. Parce qu'au final, tu vois, il y a rien à perdre. Non mais voilà. Donc voilà, enfin bon, c'est juste c'était juste un petit coup de gueule. Mais tu fais bien appeler, parce qu'en plus je voulais en parler, j'avais oublié. Et puis non mais comme ça moi c'est fait quoi. Mais toi on en parle. Bah exactement, t'as bien fait d'appeler. Tu les as déjà fait ces genres de défis toi, celui-là ou un autre? Moi j'ai pas fait ces genres de défis, mais après j'en ai vu, j'ai assisté à des défis, à quelques défis, mais après j'en ai pas fait moi. D'accord, ok, et t'as assisté à quoi? Le gars il devait avaler un mélange avec de la moutarde, du Nutella ou plein trucs dedans, des trucs où il devait se filmer en même temps, il devait le boire cul sec. Ou après ça s'est mal fini aussi, mais après pas comme ça, mais après voilà, c'est des petits défis comme ça qu'on ne fait jamais aussi loin quoi. Oui, mais voilà, après c'est des petits défis effectivement, mais il y avait le défi cannelle aussi, il y a des mecs qui se sont étouffés, mais oui c'est normal, c'est quoi le défi cannelle? Le défi cannelle, en fait c'était beaucoup les Américains qui faisaient ça, tu prends un pot de cannelle, t'es en poudre, et en fait tu dois avaler une cuillère de cannelle. Sauf qu'en fait ça t'assèche tellement vite la gorge et tout que tu t'étouffes quoi, c'est hyper compliqué. Et puis même comme c'est de la poudre, tu sais quoi, avec tu à un moment donné il faut tu respires et tout ça. Ouais. Oui, donc tu te bouches les poumons, etc. Les mecs ils essaient d'en prendre de plus en plus, effectivement, forcément il y a des mecs qui sont morts parce qu'ils se sont asphyxiés avec la poudre quoi. Voilà. À une époque on a fait le truc du bol de merde, et il a mangé un bol de merde, mais voilà, bien sûr. Ouais, mais c'est pas pareil parce que nous on est des professionnels, bien sûr. C'était une merde de polo, donc je savais ce qu'il y avait dedans. Il connaît la matière, il l'a travaillé et tout. Voilà. Son problème, c'est qu'il restait plus qu'une seule pizza 4 fromages, donc ils se sont partagés comme ils pouvaient, quoi. Voilà. Voilà. Nous, il y a un pote, il a fait le défi d'avaler 150 petits canards, tu sais, les bonbons sucrés, là. Les petits canards. Les canards qui gonflent à l'intérieur, là, les bonbons, là. Ah oui, non, bah, lui est complètement con, alors. 150. Il en a mangé 150 et il a rien eu. Bah il a eu de la chance hein. Y a Romain qui dit deux morts en Bretagne. Moi ce que je fais c'est se jeter un seau d'eau parce que sauter du pont, trois petits points. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Mais t'es fort aussi hein. Et il y a Mathieu qui dit pauvre tof, il doit avoir encaissé des millions d'insultes dans sa vie. Ouf. Et le reste. Mais moi franchement, quelqu'un me fait des défis à la con, c'est comme le truc de la photo. Envoie une photo de toi quand t'es petit, sinon tu peux un resto. Moi tu sais quoi, je réponds, on va te faire enculer, je vais lui dire. En fait, il faut savoir que Polo n'a aucune photo de lui parce que. Parce qu'il il en fait. Était pas beau quand il était petit. C'est voilà, non, c'est ça. Ici, si, tout le monde a la honte. Alors, justement. Et ne parlons pas de tof. Méfiez-vous, j'étais extrêmement beau. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais je trouve ça tellement con. Moi, je rentre pas dans les trucs comme ça. Je suis un être supérieur. J'en ai rien à foutre. Ouais, moi, toutes mes photos ont été saisies par la CIA. Hein, donc, voilà, c'est ça. Ouais. C'est, elles sont dans. C'est normal, c'est un extraterrestre. Ben voilà. Exactement. Et pour une fois qu'ils ont des documents officiels, des vrais documents sur. Ils sont de la zone 51. Ça, c'est. Voilà. Dans un coffre. Tout est fait pour masquer mon passé. C'est ça. Ils sont avec Roswell. Avec Roswell, ils sont tous là-bas, tu vois. Ils sont en train de se marrer. Bon, ben merci Fred d'avoir appelé. Si vous avez déjà fait des défis, tiens, justement, qui sont bien ou mal passés, bah appelez-nous pour qu'on en parle un petit peu ce soir. Là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et on a également le SMS. Hein, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. Bon, et eh ben salut à toi Fred, tu restes au standard. Jean-François va arriver dans quelques minutes. Et puis je vous rappelle également que ça fait aujourd'hui tout pile 5 ans que Michael Jackson est mort. Et donc du coup, si vous voulez écouter un petit son de Michael Jackson, n'hésitez pas à demander. Hein. Il paraît qu'il est pas vraiment mort. Ouais. Oui, alors il enfin, y a il y a des gens qui l'ont vu récemment. Ah, et eh ben écoute, nous voilà rassurés. On en parle dans quelques minutes. Tiens, allez, restez sur Fun Radio. On est là. Il y a Both qu'on écoute maintenant. Straight Out of Line. Je vous l'ai fait découvrir hier, ça. Both sur Fun Radio. C'est parti. Yeah, it gets me loaded. I walk the straight out of line. Oh, I've been straight out of line. 23h, 2h. Test. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et restez bien sur Fun Radio, évidemment, minuit 52. Il y a un message qui dit bon courage pour ceux qui ont le brevet. Ouais, bah bon courage à vous. C'est pas forcément les défis, mais les gens qui sont contre les faire. Mais oui, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est un truc de dingue. Ah, donc il dit moi j'ai fait dégueuler un pote avec du sucre en carré, du sel et du poivre. Ah, quelle horreur. Club Net qui dit en parlant de défis via Facebook, j'en ai fait deux. Des petits trucs à la con, comme mettre une photo de soi étant bébé, se vêtir d'un maillot de foot et prendre une douche froide habillée. Et j'ai lancé un défi à des amis, c'est de se laisser pousser la barbe tant que la Belgique n'est pas éliminée du mondial. Oh bon, ça va, mais ça c'est encore des petits défis à la cool ou quoi, tu vois, c'est sympa. Benjamin qui dit ils sont au courant des dangers, les gens qui acceptent de le faire, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais oui, enfin le plus violent quand même, à la limite que le coup du de quoi tout à l'heure là, la cannelle. Ouais, la cannelle. Que le mec ne sache pas parce qu'il s'est pas renseigné, parce qu'il s'est pas rendu compte sur le moment, sur le coup, il s'est dit tiens, je vais avaler le truc, voilà, la cannelle, ça assèche, il s'étouffe. Bon, ok, peut-être qu'il pouvait pas le savoir, mais le mec qui va avec un vélo sans savoir nager et qui plonge, genre il y a un moment, il s'attendait à quoi? À se remettre sur le vélo et pédaler pour remonter, enfin je sais pas. Ouais, c'est fin. Il y a un moment, je veux dire, le mec. Non, mais il lâche le vélo en même temps, tu vois, je veux dire, une fois que t'es tombé, quoi. Non, mais enfin, je comprends pas, j'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. Il y a un message aussi. Salut à vous, je vous écoute tous les soirs jusqu'à 2h du mat, j'aimerais bien voir un petit message de bienvenue. Si tu veux, bien entendu. On va venir te défoncer le cul, espèce de pédé. Très sympathique, comme tu as pu le remarquer, celui-là. Bon, on va. Prendre Jean-François, on aura Valentin qui voulait réagir au défi Facebook juste après. Et on aura le karaopé. Si vous voulez jouer avec nous au karaopé, bah appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon. Jean-François ? Oui, Mickaël. Ça va, Jean-François ? Impeccable. Il fait un peu chaud, mais ça va. T'es un peu sous ? Chaud. Ah, chaud ? Non, je bouge pas, moi, pratiquement pas. Oui, t'es sourd. Bon, du panache. D'accord, chaud. Ok. Bon, j'ai pas compris, mais c'est très bien. Bon, alors, Jean-François, dis donc, t'as suivi un peu le match ou pas? Non, c'est... T'as pas suivi? J'ai cassé ma TNT, mon beau-père m'en a ramené une. Ah, bah nous voilà rassurés, alors, très bien. Parce qu'on t'a pas eu de la semaine, alors du coup, on était inquiets. Eh ben, moi, j'étais inquiet, je m'appelais pas. Ah bon, bah voilà, tu vois, finalement, on s'inquiétait tous les deux, quoi. T'es marié, Jean-François? Non, j'étais avec une femme pendant 4 ans, on s'est séparés. Oh, d'accord. Et du non, coup. Parce que tu étais dit le beau-père. Mais qu'est-ce, j'en trouverai bien une autre. Mais oui, t'en trouveras bien une autre. De toute façon, t'as toujours. T'as toujours Cristal, hein, en plus, qui est là. Puis il y a Cristal. Puis voilà, un de ces quatre, vous allez vous voir et tout, ça va être la folie, hein. Un de ces quatre. Voilà, j'ai un chaud lapin, moi. Ah, ben, j'en doute pas un instant. Hein. Jean-François qui est avec nous, évidemment, une fois par semaine, hein, pour sa petite branlette, sa petite branlette de la semaine. Hein, hebdomadaire. Voilà, petite branlette hebdomadaire. Bon, il y a Cristal qui est avec nous, justement. Tiens, Cristal. Allô ? Cristal ? Oui. C'est Jean-François. Oh, mon chéri. Comment vas-tu, ma chérie? Oh, mais ça va, tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Ah oui, je me suis sentie toute seule cette semaine. Oh, ma pauvre Cristal. Oh, oui. Fais-moi un gros câlin. Je te fais un gros câlin. Oh, écris ton nom. Jean-François. Oh, crie le plus fort. Jean-François. Oh là là, si tu savais comme ça me fait frétiller. Je suis en train de me branler, là. Oh oui, moi je mouille déjà. Tu mouilles, là? Oh oui, crie ton nom. Je pense que ce soit Jean-François. Plus vite que d'habitude. Jean-François. Oh, c'est plus fort. Jean-François. Oh, fais-moi écouter ta bite. J'ai envie de l'entendre claquer. Oh, j'adore. Ah oui. Oh, c'est bon. Oh. Oh là là, j'adore entendre le son de ta bite. Eh, hey, mets-toi un doigt. Oh, je m'en mets deux tout de suite. Je suis tellement mouillé, ça glisse tout seul. Allez-y. Oh là là. Oh, oh oui. Jean-François. Oh, oui. Oh, il y a Vanessa qui est là. C'est Vanessa, tu ne me parles plus, tu fais plus attention à moi. Oh, Vanessa. Ah, oui, il faudrait que tu lui broutes le minou. Comment t'habiller, Vanessa? Je suis en string noir. Oui. Oui. En string noir. Et je suis en train d'enlever le soutien-gorge. Elle se met nue pour toi. Enlève le soutien-gorge. Oui, j'enlève le soutien-gorge. Vas-y, casse-toi le téton, tu mets un bon achat. Attends, je vais lui lécher le téton. Vas-y, Vanessa. Oh là là. Imagine que j'ai ma grosse queue dans ta chatte. Imagine. Oh, ah oui, j'imagine, je l'ai sens là. C'est 20 cm en érection. Oh là là. Ah mon Dieu. Vas-y, continue, tu m'excites. Oh, mais toi aussi, Jean-François, crie ton nom. Jean-François. Plus fort. Jean-François, en érection. Oh oui. Jean-François. Oh, plus fort. Jean-François. Oh, plus fort. Jean-François. Oh, je continue. Oh, oh oui, c'est bon. Oh oui. Oh, oh, oh là là. Tu m'entends, ta chatte. Oh, vas-y, écoute. Oh, vas-y, Vanessa. Tu m'excites. C'est toi là, Vanessa? Oui, oui, c'est moi. Oh, putain, Vanessa. Vous avez tu l'as entendu, ma chatte? Oui, j'ai entendu. Oh, ça t'a excité. Là, je suis à 10 cm, là, pour l'instant. Tu vas jouer, mon cochon? Bien sûr que je vais jouer. Oh, Vanessa. Oh, Cristal. Yann. Oh, oui, vas-y, gueule. Yann. Il y en a grosse plante dans ta chatte, là. Tu veux que je crie encore ou pas? Oui, crie. Attends, je crie. Yann. Oh, tu m'excites. Encore ou pas? Je sens que ça vient, là. Est-ce que tu veux que je gémisse? Oui, gémis. Oh, vas-y. Oh, tu m'excites. Tu m'excites. Oh, que toi aussi, tu sais. Oh, je vais jouir. Oh, nous aussi. On va jouer en même temps. Oh, oui. Vas-y. Oh, Vanessa. Écoute, je vais jouir dans ton dans le creux de ton oreille. Ouais. Écoute. Crie ton nom, Jean-François, crie ton nom. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Oh, plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Écoute-moi que, écoute-la bien. Oui. Allô. Oui. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Oh, je vais jouir, Jean-François. Tu vas jouir? Oh oui. On va jouer en même temps. Oh, ça oui. vient, ça vient. Dis-moi que ça vient. Oui, ça vient. Yann. Oui. Yann. Ça vient vraiment? Oui. Je vais jouir. Vas-y, crie ton nom. Jean-François. Vas-y, continue. Jean-François. Continue. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Jean-François. Plus fort, Jean-François, j'en peux plus. Oh, oh vas-y. Allez, continue. Vas-y. Plus fort. On t'entend pas, Jean-François, continue. Allez. Joué. Ah, déjà. Oh là là. Oh oui. Ah, bah, ça a été rapide ce soir. Oh, c'était trop bon. J'avais envie. Ah oui, bon, on a bien vu, hein. Oh, bah, Christa, vous m'avez du plaisir. On pourra se rencontrer un jour. Oh oui, on va, oui. Oh là là, avec plaisir. On attend tes 18 cm. Tu es de Paris? Oui, on est pas loin de chez toi. Je suis en Ardèche. Oui, c'est ça. Eh ben, on est à côté. Voilà. Et il faudrait qu'on se rencontre. Toi et Vanessa, toutes les deux, je vous prends. D'accord. Oui, comme des chiennes, tu vas te démonter. Avec plaisir. Comme des chiennes, je vous prends. Oui, tout à ça fait. Ça serait mieux en réalité. Au téléphone, c'est bien, mais en réalité, en vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. C'est vrai. En vrai, c'est mieux. Écoute, on va réfléchir, on va essayer de trouver un rendez-vous. J'ai des films porno, là. Ah, pas trop, mais me voilà rassuré. On va les regarder ensemble. ce sera trop bien. Exactement. Oui. Oh, c'est parfait. Oh, bon. Je suis déjà tout excité. Magnifique. Je suis un beau gosse, hein. Je suis oui, un oh beau là gosse. Là, bon, on n'en doute pas un instant. Je suis un beau gosse. Évidemment, évidemment. Bon, on va pas te déranger plus longtemps, on sait que tu as beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Bon, allez, bonne nuit Jean-François. Bonne nuit, repose-toi chérie, bien. À la semaine. Nous aussi on t'aime, à la semaine prochaine. Bonne nuit. Salut hein. Moi. Moi, je vous aime toutes les deux. Ah oui, nous aussi, nous aussi. 23h, 2h. Test-down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon bah au moins comme ça il est, on a... Ah, ah bah, il s'est mis bien, tout le monde s'est mis bien. J'espère que vous aussi derrière votre radio d'ailleurs. Hein. Tiens, il y a des messages d'ailleurs qui sont arrivés. On va écouter Coldplay d'ailleurs dans quelques minutes. Hein, donc restez bien là. Il y a des messages qui sont arrivés. Là, il y a Julien qui dit Jean-François, ça va, crie ton nom, bord de rire, putain, vous m'avez tué. Mon père s'appelle Jean-François et tué jeudi matin. Quand je le vois, je rigole trop. Vous êtes des ouf. Fredes 34, je crois que je vais devenir sourd à force à cause de Jean-François. Oh my god, j'en pleure de rire. Vous jouissez trop bien. Oui, tu as vu, hein, c'est tout un travail, Skells. Nathan aussi, c'est mon anniversaire. Est-ce que je pourrais avoir Wiggle de Snoop Dogg, on te le mettra tout à l'heure Nathan. Et mon dieu, t'offres dans le rôle de la femme excitée. Moi j'ai rien pigé à ce qui s'est passé. Et ben il, comme tous les jours, enfin comme une fois par semaine, comme tous les mercredis, il s'est branlé, il a joui et puis voilà. Mais par voilà. contre on va vous il mettre la vidéo heureux. On va vous mettre la vidéo de Toff pendant qu'il fait, ça. C'est assez dégueulasse hein. Ah c'est horrible. Ah c'est assez dégueulasse. Vrai, ah, si. Non c'est assez dégueulasse à regarder. Je vais vous la mettre sur le YouTube de l'émission là. Tapez Mickaël officiel, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je m'abonnerai à la vôtre également là. On va vous la mettre sur le Facebook, le Twitter. C'est juste une dégueulasserie, c'est une horreur. Il est 1h02 sur Fun Radio, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit, on est au cœur de la nuit sans pub. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Le son de Coldplay, Sky Full of Stars sur Fun Radio, bienvenue. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 1h06, il y a Romain qui dit je viens de finir le boulot et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Bah c'est gentil Romain, je suis mort de rire. Il y a Corentin qui dit JF il était au taquet. Ah ouais, comme d'habitude, hein. Et Jeanne-Françoise qui dit je vais me chercher à bouffer et quand je reviens, Jean-François se paluche. Oui, écoute, tu as comme ça des moments où il faut bien que ça se fasse, quoi. Toff, tu dis cher Mickaël, t'as une belle voix. Sandro est super sympa, j'adore votre émission. Peux-tu mettre un message de bienvenue, s'il te plaît? Oui, alors attends, je vais te mettre celui-là. Attends, où est-ce qu'il est? T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Voilà. Je nique ta mère, hein, mon gros bâtard que tu es, hein? Hein? Bon, 1h07, on fera d'autres appels malveillants sur Fun Radio, donc restez bien avec nous. Et puis on va, avant de se faire le caropé, prendre notre Valentin qui est avec nous maintenant, de Verdun. Salut Valentin. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Dommage pour la France, hein, 0-0, c'est dommage. Ouais, c'est triste. Ouais. Bah ouais, mais comme le Portugal va gagner demain, que les États-Unis vont perdre face à l'Allemagne, du coup le Portugal va passer en 8ème, ça va, je suis plutôt content. Je peux te demander un truc? Non. Non, si, vas-y, je plaisante, vas-y. Y a pas un Cinto qui est passé la semaine dernière? Si, des planchettes. Ah si, si, si, si, Cinto, bah, des planchettes. T'as un deuxième planchette ici, ma gueule. De quoi? T'as un deuxième planchette ici, ma gueule. Ah, t'es du plancher, t'es du plancher. Ouais, gros. Ah, c'est bon, mais ça. Mais c'est quoi, la planchette? C'est un quartier, c'est quoi? Ouais, c'est un quartier. Ah, c'est un quartier des planchettes, d'accord. Mais tu connais Cinto? Hein? Tu connais? Bah oui, je le connais. Oh là, et toi aussi, t'es un gitan? Non, bah non. Ah bah d'accord. Elle est belle sa meuf ou pas? Je sais pas. Bon, ok. Ah, bon, très bien, comme ça, au moins. Ça voilà. Est très clair. Ah oui, tout à fait. Bon, alors Valentin, toi tu voulais réagir par rapport au défi Facebook, c'est ça? Ouais. Bon, je t'écoute. Bah tu vois, moi j'ai dû en faire au moins 6-7 et tu vois, j'ai jamais eu de problème. Ouais, mais t'as fait quoi? T'as fait quoi comme défi? J'ai sauté dans l'eau et tout, toutes les conneries comme non, ça. Non, mais tu sais nager? Bah ouais. Oui, bah voilà, bah là il n'y a pas de problème. C'est le, ouais, mec, bon, le mec il s'est noyé parce qu'il savait pas nager, cet idiot. Il a sauté dans l'eau avec son vélo attaché et puis bah, il a coulé, évidemment. Elle est froide la Meuse. Allez, bah en plus, non mais c'est pas tant ça le problème. Parce que même si elle est froide, je veux dire, on n'est pas en plein hiver, il fait pas moins 10 dehors, tu vois. Ouais. Justement, comme il fait moins froid, enfin comme il fait pas encore trop chaud, normalement t'as pas un choc thermique de ouf. Normalement ça va, ouais. Tiens, il y a Skels qui dit salut, vous pouvez passer une petite dédie. Ah, j'avais vu défi moi. Bah du coup je vais le faire. Une petite dédie de ma part, une petite pute Misty. Entre parenthèses, oh, Guillaume, si vous pouvez passer, c'est le Club Med remixé avec les éléphants, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec Toff. Les défis des photos quand on est petit, c'est de la merde. Une meuf m'a nominé. Je lui ai pété le fion. Carlito, PS, le swag est en toi, Toff. Merci, Carlito, merci. Tu parles. Et Jason qui, tu peux mettre la musique du canulariste fou. Non, mais C'est pour rire quand même. Vous, bah oui, non, non, les gens ils kiffent, les gens ils kiffent. Non, vous la voulez pas vraiment, je veux si, dire. Les gens ils veulent vraiment. Je pense que si tu fais un sondage, les gens ils veulent vraiment. Et aux planchettes là, ils sont tous à demander le titre là. Aux planchettes ça cartonne apparemment la chanson, hein, non? Laquelle? La chanson du Club Med. Ah, de Damien là. Bah oui. Ouais, mais c'est un mongol celui-là. Mais non, attends, c'est un chanteur. C'est un artiste. C'est un artiste. Oui. Attendez, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre un petit bout. Alors attendez, faut que je la retrouve là. The bread is fresh. So good. Bon alors attendez, allez où? Ah voilà, Club Med ou do you want some bread? Club Med. Hein. Ah, je sais pas, moi. Bah, avec les vaches. Ouais, allez. Allez, avec les vaches. C'est le Club Med. Club Med. Ah, c'est des éléphants. Là, il y a des vaches aussi, viens. Hello. So good. Yeah. Do you want some bread? The bread is fresh. The bread is fresh. The bread is fresh. Voilà, donc là on est au top du... On est au cœur de la chanson là. Oh, t'appelles ça un artiste? Attends, c'est une tuerie, tu veux que je t'envoie le CD Valentin là? Oh. Non, moi je veux bien un maillot par contre. Attends, laisse-moi réfléchir. Bon, allez. Non. Non, non, malheureusement ça n'est pas possible. Bon, bah voilà, nouveau single de Damien, donc on aura un nouveau demain. Ah. Tout nouveau, tout frais. On aura Damien évidemment au téléphone pour nous parler de son nouveau single. Ça va être de la grosse tuerie. Ouais, bah il paraît que c'est... Attends, parce que vous croyez que je vous ai pas vu en train de terminer ma phrase en disant merde? Ouais, non. Hein? Est-ce que vous pensez que je n'ai pas compris le truc là? Ah, là. Bon, Valentin, encore un truc à ajouter? Bah. D'accord, écoute, c'était parfait, Valentin. Mais il y a moyen que tu me gardes en ligne parce que je fais le polo, tu vois. Ah, tu veux faire polo contre le reste du monde? Bah, je le fais. Ah bah si tu veux, ouais. Bon bah reste avec nous Valentin du coup, pas de problème. Ouais, merci. Bon ça roule, on va se faire le karaopé dans quelques instants. Tiens, karaopé avec Anthony qui est déjà là. Salut Anthony. Salut Mika, salut tout le monde. Ça va bien? Pas terrible. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Journée de merde de taf, luxation d'une rotule, donc voilà. Oh là là, mais t'as fait un match de foot? Non, au taf. Au taf, mais tu fais quoi? Nettoyage. Ah merde! Putain, quoi? Accident? T'es tombé? Il s'est passé quoi? Non, j'étais baissé, je me relève pour monter un truc, la jambe se tend, ça craque, je suis bloqué. Oh merde. Putain! Bon, du coup, t'es en arrêt, là? Ouais, jusqu'au vendredi prochain. D'accord, mais ce sera jamais rétabli d'ici là, si? Ben, je sais pas, parce que c'est déjà un problème que j'avais eu il y a 7 ans, donc voilà quoi. Ah ouais, il est revenu, putain, galère. Bon, bah reste avec nous, Anthony. Il y a Renaud aussi là qui va jouer au karaopé dans quelques instants. Restez là tous les deux. Ça va, Renaud? Ça va. Bon, très bien. Reste là tous les deux. Reste là aussi, Renaud. Hein. Ouais. Bon, très bien. Bon, là on a déjà Renaud. On va peut-être... Je sais pas si on va se faire un truc à 4 ou un truc à 2. Donc, si vous voulez, les filles, on cherche deux filles là pour jouer au karaopé maintenant. Appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0. Deux numéros qui sont pas surtaxés, donc vous êtes tranquille. Et vous pouvez aussi jouer en envoyant MIKL en laissant votre numéro de téléphone. Vous envoyez ça au 64 900 maintenant. Et on joue au karaopé dans quelques minutes. Message qui dit: qui est le taré qui a demandé les chansons de Damien? Je ne sais pas, je n'y rien. Voilà, ouais. Je ne balance pas. Voilà. Bon, et puis j'ai une bonne nouvelle également, j'ai récupéré les copies du bac. Ah. Et c'est pas brillant, hein. Oh. Ah non, philo. Ouais. Donc les perles, hein. Puis philo, donc. Hein. À la question, doit-on tout faire pour être heureux, hein. Souvenez-vous, on en avait parlé. Ouais. Il y en a quand même qui ont réussi à placer des trucs improbables, comme je peux avoir le choix entre un baba au rhum et une forêt noire, mais si le docteur me dit pas de fraises, j'ai toujours le choix sans la liberté de manger celui que je veux. Qui a été chercher ça, je sais pas, mais lui il était quand même bien au taquet. Il y avait quoi aussi? On vit pour être heureux, mais des gens voudraient qu'on soit pas heureux, genre entre parenthèses état, parents, professeurs, SNCF. Voilà. Le désir est parfois un sentiment lubrique qui nous destine à devenir des moins que rien. Ça aussi, c'est pas mal. Chercher ça. Bon, sinon histoire, hein, un monde multipolaire est un monde où il fait très froid. Parce qu'il y a plus, il y a beaucoup de pôles, donc ouais, forcément, ça, évidemment. Il est multipolaire, quoi. Bah voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, à quand le pôle Est et le pôle Ouest? Bah oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait le pôle Nord et le pôle Sud. Bah oui, c'est vrai, ça. Et bah, il en faut deux autres, des pôles, il faut quand même pas déconner. Sinon, il y a aussi, l'Europe est devenue géographiquement étendue avec notamment 6 fusées horaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Au fil des années, la méfiance des Européens fait qu'ils sont devenus antiseptiques. Voilà, il y avait quoi aussi? En conclusion, l'Europe politique n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait en 48. Comme les comme sur les brochures, il fallait sans doute bien lire les petites lignes en bas. Voilà, donc là le mec il est quand même complètement barré, hein. Comment tu peux répondre ça? Mais je sais pas, l'Europe reste très liée aux USA vu qu'ils ne sont séparés que par une étendue d'eau qu'on appelle un océan plus communément, hein. Un truc improbable, mais comment le mec peut se dire qu'il y a juste une étendue d'eau entre les États-Unis et l'Europe, quoi? Ouais, c'est y a un truc de ouf. Une petite mare. Ouais, 6000 km, hein, grave. On dit que la Chine est une république populaire, à votre avis pourquoi? Parce que les gens sont heureux là-bas? Non. Parce qu'il y a beaucoup de monde? Non. Car elle est très connue dans le monde entier. Du coup, elle est populaire, voilà. Et Mao Zedong a envoyé un ultime atome à ses opposants. Voilà, c'est le dernier atome, après c'est fini. Après, il n'y en a plus. Terminé les atomes, on arrête ces conneries. Et puis sinon, en français, alors attention, on avait aussi... Dans le poème, le dialogue entre le brin d'herbe et la tombe montre clairement que nous n'habitons pas le même univers. Et alors, il y avait aussi... Amis lecteurs, les thèmes abordés par les poètes ne sont pas toujours sérieux et graves. Ils sont parfois chiants. Voilà. Et alors, enfin, pour terminer, après, on va arrêter quand même, hein, parce que je pense qu'on a fait le tour, là. Oh, là pour terminer, il y avait toujours en français. Depuis la fenêtre de la salle d'examen, je vois des oiseaux et des nuages dans le ciel. Mais je vois surtout ma maison, et ça me rend nostalgique rien que de penser que j'y étais encore ce matin. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui ont été faits en français. Moralité. Après, on va s'étonner qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux bacheliers. Ouais, c'est bizarre. Étonnant, effectivement. Allez, il est 1h07 sur Fun. Il y a Skells qui dit mort de rire. Putain, vous êtes trop cons. Je suis encore plié, je m'appelle Gourvan. Et juste parce que j'ai un nom pourri, je pourrais avoir un message de bienvenue. Oui, si tu veux, hein, si juste ça ton problème, Yannick, grand plaisir. Qu'est-ce que je vais mettre comme message de bienvenue? Je peux te mettre celui-là, tiens. Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire un tout drôle à toi, gros PDA. Gros PDA. Ah. Ils sont véritablement cons, les gens qui passent le bac ou quoi, c'est quand même fou. Mais écoute, ou alors après... Ils sont peut-être simplement, tu sais, ils ont pas la réponse, donc ils se disent bon, pff, tant qu'à faire. Bah, c'est ça, 0 pour 0, autant rigoler, quoi. Ouais. Ouais. Autant voilà. Être dans les perles, quoi. Autant être dans les perles du bac, évidemment. Bon, 1h18 sur Fun Radio. Dans quelques minutes, on va se faire le karaopé. Eh ben, on va se faire un petit truc à quatre, tiens, avec Sabrina et puis avec Sweta qui viennent d'arriver là. Vous êtes là toutes les deux? Oui. Ça va bien, Sweta. C'est quelle origine ça? Je suis mauricienne. D'accord. Oh. Il a fini dans le 93. Ça va te faire ça, doit te changer, hein. Ben ouais. Ah ouais, être l'île Maurice et ouais, Saint-Denis. Mais bon. Non mais sinon en France, hein, mais voilà. De quoi? J'ai dit que c'est en France. Et que c'est en France? Ouais, on est que en France. Ah, tu es né en France. Ah oui, d'accord, ok. Oui, et donc... Sabrina, toi t'appelles des Hauts-de-Seine? De Hauts-de-Seine, oui. Très bien, et on va se faire le karaopé dans quelques minutes. Bon bah restez là les filles, on aura Sabrina et Sweta contre les deux garçons, Renaud et Anthony. Ne bougez pas de là, je vous l'avais promis, le son de Michael, tiens, on va se faire ça maintenant, puisque ça fait 5 ans qu'il est mort, c'est une petite manière de lui rendre hommage avec un de ses plus gros morceaux, en tout cas un de ses plus connus maintenant. Attention! C'est toi qui va sortir là, il va faire peur à tout le monde. On s'écoute Thriller maintenant sur Fun. En tout cas, ça a le mérite de changer. Allez, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est au corps de la nuit sans pub. Mickaël No Limit jusqu'à 2h du matin. Ha ha ha! Et voilà, petit hommage à Michael à l'instant avec Thriller sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Michael nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Michael m'offrira le reste. Michael, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il est 1h25 et les appels malveillants qu'on va faire dans quelques minutes. Et un message qui est arrivé par SMS. Tiens, est-ce qu'il faut passer le bac pour faire votre métier? Non, surtout pas. Non, je déconne. Non, il le faut pas, mais après, c'est mieux de l'avoir. Au moins, comme ça, si jamais marche pas en radio, tu peux faire autre chose. Mais non, dans l'absolu, il ne le faut pas, non. Message de Julie aussi. Est-ce que t'es célibataire? Julie, modèle photo 23 ans de Toulouse. Julie, mais je te fais des gros bisous quand même. Mais par contre, avec Polo, on est disponible si tu veux nous envoyer des photos. C'est vrai. Ouais, mais enfin bon, après, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est pas la même gamme. Ouais, mais c'est pas grave. après, c'est quand t'es dans le rayon et qu'il y a plus que ça, faut tu penses qu'il reste. Ah non, moi je préfère pas prendre. Ouais, mais bon. Franchement, j'ai le choix entre une pomme et une pomme à moitié moisie. Si je peux pas voir la première pomme, tant pis, je prends pas la moisie. Ça dépend si t'as faim. Ouais. Les petites boues moisies, tu peux l'arracher. Ouais. Bon, je te fais des bisous, Julio, en tout cas. Romain aussi, un bon vieux Michael Jackson, ça fait du bien. Bah ouais, ça change un peu comme ça, là. Bon, allez, 1h26 sur Fun Radio. On se fait le caropé juste après les appels malveillants. On aura également Polo contre le reste du monde d'ici une petite demi-heure. Donc, si vous voulez participer à Polo contre le reste du monde, envoyez Mika et votre message au 64-900. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler, évidemment. Souhaita, Sabrina, Renaud et Anthony, vous êtes là? Ouais. Très bien. Et juste pour faire une petite rectification, il y a Lucie qui se plaignait parce que soi-disant on a triché tout à l'heure au jeu au je t'emmerde. Parce qu'elle a fait bien plus que si je t'emmerde dans le premier appel. En fait non, parce que la personne avait déjà raccroché. Mais donc oui. Si après ça raccroche et qu'on le voit pas tout de suite, mais par contre qu'on l'entend, bah du coup tu peux dire je t'emmerde, mais après on les compte pas puisque la personne a déjà raccroché. Voilà, je t'ai répondu par mail, mais comme ça au moins c'est chose faite. Et c'est pas la première fois, ne t'inquiète pas. Et on n'est pas triché puisque de toute façon qu'on t'offre ou pas le cadeau, on sait pas comme si c'est nous qui le payons ou si c'est nous qui pouvions le garder, donc ça change rien. Donc on a aucun intérêt à tricher, on s'en fout. Voilà, message passé. Bon, alors, on va donc saluer les filles dans un premier temps. Normal, honneur aux filles. Souhaita est avec nous, donne les sous-bois. T'es toujours là, Souhaita? Oui, je suis toujours là. Très bien. Sabrina également, côté filles, oui, bien sûr. Aussi, oui. Et du côté garçon, il y a Anthony qui appelle du 42. T'es là, Anthony? C'est ça, oui. Et Renaud également. T'es là, Renaud d'Avignon? Ouais. Parfait. Bon, les filles d'à côté, les garçons de l'autre. Le principe est très simple. Je vais vous passer des musiques à base de prout, à base de paix. Et il faudra, réussir à être, à découvrir quel est le nom du chanteur ou de la chanteuse ou même du groupe, voire à la limite le titre de la chanson. Exemple, je vous passe, qu'est-ce que je peux dire? Je vous passe Avicii, la version prout, là, avec Hey Brother. Voilà, il faut découvrir et il faut donner son prénom et puis la réponse en disant Avicii ou Hey Brother. Voilà, écoutez bien. Écoutez bien, c'est surtout au début en général que c'est facile. Hein. Écoutez. Avicii. Voilà, c'était un exemple, Sabrina. Ah, excuse-moi. On n'a pas encore commencé. Bon, c'est pas facile. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on va se faire une série spéciale musique de merde. Oh. Et contre toute attente, je pense que c'est plus facile que le reste parce que je pense que tout le monde connaît au moins le titre ou le nom du chanteur ou un truc comme ça. Hein. C'est vrai. C'est pas musique de merde. Enfin, si, mais c'est surtout musique ringarde. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le premier qui a la réponse doit impérativement crier son nom d'abord, ok? Ça marche. Sabrina, à qui tu parles? À quelqu'un qui va lui souffler. Sabrina? Oui, j'entends, non. À qui tu parles? Dis la vérité. À qui tu parles? Je parle à personne. Si, je t'entends. Oh. Je t'entends dire, oui, alors on va, ok, alors on y va. Sabrina? Non. À moins que t'es en train de te toucher, à ce moment-là c'est différent. Là, ce serait des bruits de gémissement alors. Tu veux créer ton nom? Peut-être. Tu peux créer ton nom, bien entendu. Bon, comme Jean-François, exactement. Ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti. Premier extrait, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Ah, facile. Ah non. Mais si. Archi simple. Ah, c'est bon, Sweta. Sébastien Patoche, là. Sébastien Patoche. Non, mais presque. Allez, j'accepte. Non, Patrick, non, attends, Sébastien. Attends, Patrick, les... Sébastien, j'accepte. Chantez des sardines. J'avais dit qu'au début, ça ressemblait. Écoutez bien le début de celle-là. Et la version prout. Ah, ça me disait un truc, mais bon. Eh oui, bon, un pour les filles, zéro pour les garçons. Ouh. Extrait suivant, écoutez bien. Anthony. La porte de canard. Eh oui. Des canards qui en sortant de la mare se foutent tout le bas des toffes et font coin coin. Allez, toffe et coin coin. Coin coin. Que tout le monde se bat pour muer du popotin en son coin coin. Un partout. Extrait, extrait suivant, vous êtes prêts? Oui. On y va. Anthony. Anthony. Annie Cordy, Tata Yoyo. Oh là là. Oh, qu'est-ce que t'as dans ton petit slip? Pas mal. Deux pour les garçons, un pour merci les filles. Anthony. Attention, l'extrait suivant est un petit peu plus compliqué, mais il vaut 1000 points. Ah. Ouh. Attention. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Attention, Sabrina, t'as failli exciter Toff dans ton... Ouh. Mais je frétillais. Mais oui. Extrait suivant. Écoutez bien. Je donne un indice d'entrée de jeu, il adore faire l'amour aux arbres. Oh, c'est Vincent ? Non, c'est, il faut donner son prénom d'abord, Sabrina, mais c'est pas la bonne réponse. Je remets, écoutez bien. Bon, je peux vous donner un indice. Écoutez bien encore un autre indice. Dans son nom de famille, il y a également le nom de cet animal. Renaud. Sabrina d'abord. Anan. Renaud. Oui, français, Renault, c'est bon, t'inquiète pas, on a déjà validé, hein, Francis Lalanne. Calme-toi. Voilà. Eh, hey, c'est un beau slow, hein, Sabrina, oh, oui. Tu danses? Non, c'est pourri. Oh, en même temps, c'est mais pas toi que j'ai invité, Renault, c'est Sabrina que j'ai invité. Hein. C'est pas vrai, c'est beau. Eh oui. Écoutez bien. Toff, il a pécho là-dessus, hein. La pêche ou quoi? Sa main? Ouais, voilà. Alors, écoutez ça. L'amour est plus fort que tout, mille enfers. Ouais, parce que je pense qu'à un moment il y a un truc très drôle dans sa chanson. Ne se mettons en ah voilà, écoutez. Et si l'on merde le programme sur son grand ordinateur. Oui, mais j'ai expliqué. Et si la mort nous programme sur son grand ordinateur? Parce que tiré du film Le Passage avec Alain Delon, il y a une histoire comme ça où il y a un mec, il y a une histoire d'ordinateur. Ah ouais, bon, ouais, mais c'est la bande originale du film, c'est pour ça. Ouais, parce que ici la mort nous programme sur son grand ordinateur. Bon, du coup, Renaud, 1000 points, 1002 points pour les garçons, contre seulement 1 pour les filles. Eh, félicitations à moi quand même. Hein. Bon, c'est pas fini, hein. Il en reste encore un. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle le méga banco. Eh oui, car ce... celui-là, cette chanson-là, cet extrait-là vaut 10 000 points. Ouais, d'accord. 10 000. Les filles, vous pouvez terminer à 10 000 1 point. Ou les garçons à 11 000 2 points. Allez là. Si on perd, on fait quoi? Et si quoi? Et si on perd, on a quoi? Bah si tu perds, t'as peur. Si tu perds, tu perds. C'est, pas c'est, de... le principe de stupeur en fait. Bah voilà, c'est ça. Déjà que vous jouez pour le fun, si en plus vous perdez, c'est pas grave. Vous voulez qu'on vous explique le principe du gagné et perdu? Voilà, perdu. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, allez, écoutez bien, c'est parti. Merde, putain, j'ai donné la bonne réponse. Merde. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Merde, j'ai oublié de mettre la verre. Oui, oui, bah, allez. Attends, je vais d'abord. Non, je vais en trouver un autre. Attends. Qu'est-ce con, j'ai mis le mauvais. Qu'est-ce que je peux mettre? Merde. Bah, non, mais il faut que je reste dans les chansons de merde. Ah, voilà, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Ah, c'est dur. Ah ouais, ça vaut 10 000 points là, attention hein. Je donne ma langue au chat, là, je moi non plus, je reconnais pas. Mais attention, le chat risque de se torcher le cul avec. Oui, effectivement, ouais. Bon, attention, je le remets. Écoutez bien à chaque fois le début, c'est surtout au début que c'est, ça début se reconnaît facilement. Écoutez. Ah oui, ça y est. Oh putain. Anthony. Patrick Juvet, où sont les femmes? Ouais! Il est fort, eh ouais, 11 003 points pour les garçons contre un seul point pour les filles. Oh là là là là là là là là. Ah, vous avez pas été bonnes, hein, les filles. Hein. Non, pas grave. Moi, bon, allez, attendez. Je vous mets le hyper méga over banco pour 1 000 000 de points. Ah ouais, ça c'est... Attention. Alors, faut que je choisisse un morceau qui vaut 1 000 000 de points. Attends, bougez pas. Ah, eh ben, j'ai trouvé. Vous êtes prêts? Mm-hmm. Oui. Allez. 1 000 000 de points. Ouais. Oui. C'est parti. J'avoue que celui-là, il est d'une violence. Mais là, il existe même pas. Si, il existe. C'est un vrai morceau. Écoutez le début, encore une fois, je répète comme d'hab, écoutez le début. Non, franchement, je vais l'arrêter parce qu'il est trop compliqué. Ah. Même moi, en ayant le titre sous le pif, je me dis... Ouais, c'est chaud quand même. C'était Village People YMCA. Voilà, bon, c'est pas grave. Je vous en mets un autre qui vaut aussi 1 000 000 de points, écoutez bien. D'accord. Anthony. Attends. Anthony, quoi? Tu dis quoi? Daniel Lavoie, il s'aime. Non, c'est perdu. Non. Daniel Lavoie. N'importe quoi. Ah oui, il s'aime. Non, mais c'est pas ça. Attends. Sweta. En fait, c'est juste le rythme en fait dans la tête. Ah, c'est déjà bah, ça bien. Et c'est que les paroles. Ah, écoute, ça se passe souvent à Noël cette chanson là. Hein. Ah, ok. Noël. Sabrina. Ah, à Noël, on avait dit. Noël. Ouais. Anthony. Anthony. Last Christmas, George Michael. Ouais. 1 011 003 points pour les garçons contre un seul malheureux point pour les filles. Oh là là. Les filles, je veux bien vous donner un point. Si vous m'envoyez une photo à polo@funradio.fr. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. De pervers, hein. Non, mais après, il a pas précisé quoi. Tu peux lui envoyer une photo de ton mur. Enfin, bref, il veut juste une photo. Hein. Un coude. Voilà, un coude, n'importe quoi. Je prends sur un problème, moi. Bon, les filles. Oui. Vous n'avez pas été très bonnes, hein. Ben. Bon, ça arrive. Bon, c'est pas grave. Vous rejouez quand vous voulez. Je vous fais des gros bisous, les filles. Merci, au revoir. Salut. Allez, à bientôt toutes les deux. Et puis, bah, Renaud et Anthony, vous restez au standard. Je vous remercie d'avoir joué d'ailleurs. Vous revenez quand vous voulez. Oui, Anthony. Tout à l'heure, je t'ai envoyé un son par mail. Je sais pas si tu l'as reçu. Ah, j'ai pas encore été voir. Je vais aller voir, Anthony. T'as mis à YouTube un son qui a été fait avec Anthony Clamaran et un DJ d'une boîte par 6 mois. C'est énorme. Ah ouais, bah écoute, je vais aller jeter une oreille. Pas de problème. Ça pas de soucis, Anthony. Bah écoute, merci de me l'avoir envoyé. Je te dirai ce que j'en pense. Ok. Salut. Oui, Renaud, du calme. Deux secondes, je suis en train de parler avec Anthony. Vas-y, salut Anthony. Salut. Ciao à toi. Vas-y, Renaud. Mais je suis un doux officiel, j'ai droit à deux. T'es un doux officiel ? C'est quoi ton nom d'officiel ? Mais je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Ah ouais, mais si tu te rappelles plus, tu peux plus. Ah non, bah il faut te souvenir du nom officiel, sinon comment tu veux qu'on sache. Mais en plus, j'en avais même pas eu, c'était l'époque, dans un époque encore, c'est le début. Ouh, c'est un enfumeur. Peut-être, ça date de quand ? Je sais pas, moi, mars, par là. On faisait déjà les doux en mars, t'es pas en train d'essayer de nous enfumer, toi ? Non, allez, dans le bénéfice du doux. Bon, dans le bénéfice du doux, je te renvoie chez Polo. Allô ? Allô ? Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Renaud. Renaud, tu veux devenir doux officiel ? Ben, je le suis déjà, mais pourquoi pas ? Non, tu l'es pas, sinon on serait pas en train de te baptiser. Tu veux devenir doux officiel ? Oui ! Bon, mets-toi à genoux ! Voilà ! Ok, insulte-toi ! Je suis un gros con ! Encore ! Un enfoiré ! Encore ! Un connard ! Encore ! Je sais pas... Oh mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce bon, qu'il est mou, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Non, ma main gauche. Eh ben mets-le dans ta main droite, abruti, va. Oh t'es bien. Voilà. Donc, bon allez, tape-toi sur la tête. Ça suffit. Renaud, tu es doux officiel, bravo. Ouais. Et tu seras le doux qui hésite. Le doux qui quoi? Qui hésite. Ou le doux en fumeur. Non, il a pas enfumé, il a hésité. Il a hésité, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Le doux hésitant. Hésitant, pas mal. Voilà, le doux hésitant, c'est très bien comme ça. Bon, d'accord. Le doux, tu voulais faire une double dédicace. Bah du coup, comme t'es maintenant réellement doux officiel, tu peux y aller, vas-y. Et oublie pas ton alors, nom, là. Alors, c'est une à Alan et une à Sandro, parce que voilà, parce que j'aime bien. D'accord, oh, ok. Eh bah écoute, mignon. Pas de problème, c'est passé, pas de souci. Bon, bah salut à toi, alors. Allez, salut. Allez, à bientôt. Ciao à toi, Ledoux. Bye bye. Et puis, on va revenir avec vous toutes et vous tous avec les appels malveillants avec un peu de retard. Et puis, surtout, avec le son de David Guetta, Blast Off sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. On est là, tranquille, pépère, tous ensemble. Vous balancez vos messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. On fera le top tutos également avant la fin d'émission. La bonne nuit sur Fun Radio. David Guetta à l'instant, Blast Off sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct évidemment, 1h45. Et on va également se faire maintenant l'appel malveillant. Ah. Le dernier giclée de la soirée, pépère tranquille. Avec bah, du coup toujours la même question. Hein. Bah oui, est-ce qu'il voudrait bien m'accompagner pour cette magnifique croisière libertine ? Tout à fait. Et c'est pas trop cher en plus, hein. J'ai regardé 600€, ça va, c'est ouais, pas cher. Ouais. Antenne quand il y avait un disque qui me dit hey, dis-moi tu veux pas qu'on aille à la croisière libertine hey, il m'a montré les documents tarifs, et tout, ouais, tarifs et quoi. Tout et c'est pas mal franchement non ça ouais, bah ça a l'air, ça a l'air classe bah, oui ça a l'air classe ouais. Bon voilà. Et donc du coup on va appeler maintenant les derniers numéros là que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof toph@funradio.fr. bon bah c'est parti, on y va, on appelle tout de suite. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme pourrait m'accompagner pour une croisière. Une croisière échangiste. Qu'est-ce que c'est cette connerie ? Mais c'est pas une connerie, monsieur. C'est en fait, je voulais inviter votre femme pour participer à une croisière échangiste. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ? Mais c'est pas une connerie, monsieur. C'est juste pour voir si elle peut m'accompagner, quoi. Non, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Ah bah non, monsieur, mais pourquoi ? Allô ? Allô ? Allô ? Non, il est parti. Bon, on rappelle, c'est pas grave, hein, il est peut-être mal compris, comme d'habitude. Ça doit être ça. Mais oui, remettons le couvert à 1h46. Allô ? Oui, bonsoir madame. J'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. C'est pourquoi ? Ben en fait, je voulais savoir si vous vouliez m'accompagner pour une croisière échangiste. Non, mais ça va mal, non ? Bah non, pourquoi vous dites ça madame ? Ah, un grand chez nouveau. Ah bah dis donc. Bah oui, on rappelle, mais ça va mal, non ? Non, mais ça va mal. Je ne sais pas cette question. Non, moi non plus. Ça va mal. décroche plus, mais non, c'est parfait. Oui, allô. Oui, continuez. Bah, j'appelle la police, moi. Bon, je suis sur écoute, hein. Oui, mais pourquoi vous voulez appeler la police, madame? Parce que... Mais parce que quoi? Bah, arrêtez, parce que ça va aller mal. Bah oui, mais vous avez pas... pourquoi vous voulez pas vous venir... Vous n'allez pas m'appeler comme ça. Bah oui, mais pourquoi vous voulez pas venir avec moi, madame? Va te faire foutre. Mais enfin, madame, ça se dit pas des choses comme ça. Mais elle a raccroché, mais il faut se méfier parce qu'à mon avis, il devait avoir un écriteau sur sa maison avec marqué attention chat méchant. Oui, oui, parce qu'il avait l'air. Il avait l'air agressif. Il avait l'air un peu agressif quand même. Hein. Ouais, parce que peut-être qu'en chat, il était en train de me dire connard. Ouais. Ah. Si, si, peut-être. Non, mais en plus, on peut pas savoir, mais vraiment, c'est possible. Hein. Bah, c'est pour ça que c'est même, limite plus que probable. Je préfère ne pas rappeler. Je ne voudrais pas être agressé par un chat. Et déjà, oui, avec les Corses. Je te le confirme, effectivement, oui. Bon, bah, vous bougez pas. Hein, sur Fun Radio, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots pour vendre cette grande, grande et magnifique émission? Eh bien, elle est interdite aux fils de pute déjà. Non, ouais. En fait, c'est venez, venez, venez vous exprimer, venez donner votre avis, faites ce que vous voulez, mais allez-y, quoi. Vous vous ferez raccrocher au nez quoi qu'il pas arrive. Non, pas forcément. Il faut conclure, il faut bien conclure. Ouais. Il faut bien dégager tout le monde. C'est vrai. D'ailleurs, il y a Amandine qui envoie un message qui dit je voudrais participer. À tout seul au reste des ondes. À Polo contre le reste du monde. Oh putain, Amandine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui est bon. Ah si, reste. Comment de Polo contre le reste du monde, elle est arrivée à faire tout seul au reste des ondes. Au reste des ondes. C'est pas mal ça. Ah oui, non, franchement, elle est bien. Ouais. Bon, il y en a beaucoup qui voulaient réentendre le son du Club Med. Alors, elle va vous le remettre encore un petit, mais bon, pas trop non plus. Parce qu'après, on va se lasser, etc. Et ça peut être dangereux. Hein. C'est un quota? Non. Non? Malheureusement, oui. Donc, on y va, écoutez. C'est le Club Med. Donc, ça, c'est le morceau de Damien, hein. Le canulariste. Club Med. Club Med. Club Med. Club Med. Club Med. Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Med. Club Med. Club Med. Il est bien, mais malgré tout, moi je continue à préférer Do You Want Some Bread. Ouais, c'est autre chose. So good. So good. Do you want some bread? The bread is fresh. J'ai l'impression que c'est un hit déjà. Ouais. C'est beau, non? Magnifique. The bread is fresh. The bread is fresh. The bread is fresh. Des messages de Clem qui dit oral de français demain, je peux avoir un message de bienvenue, please. Bah, je te fais mieux qu'un message de bienvenue, t'as la chance de Damien. Eh, hey, dites-nous si vous aimez vraiment, hein. Valentin! Ouais. T'aimes bien toi, hein, Damien? Bah, ouais, Valentin, toujours aussi fan. Bah ouais, ça va, il est bien, mais tu vois, il est pas trop dans les. Il est pas trop dans quoi? Il vient dans notre quartier, il se fait tuer quoi. Mais il y a pas que dans ton quartier, je pense. Hein. Ouais, parce que toi, t'appelles du plancher, toi. Ah ouais. Du parquet même. Faudrait que je la replace, c'est là l'occasion. Polo, il vient ici, on le plante, hein. On crève, t'enculé. Je vais pas là-bas, moi, tu sais, les planchettes, je connais pas, j'ai pas... Ah, mais toi, tu me suces la bite. Ouais, bien sûr. Ouais. Eh, c'est quand tu veux, la planchette. Ouais. Tu veux, vas-y, monte à Paris, là, on va s'expliquer. On va te claquer avec des coups. Tu vas voir. Je crois que tu me connais pas. Mais si je te connais, ça fait plusieurs fois que je passe dans le Polo, mais c'est le fou, moi, enculé. Ah, d'accord. Ah, bah, okay. T'es celui qui se fait raccrocher tout le temps. Bah ouais. D'accord, bah c'est le concept, tu me diras. Tout à l'heure, je vais te raccrocher dans ta gueule encore, tu vas voir. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent pas le coup des planchettes, c'est parce qu'on avait fait le chéri, je peux te faire cocu. Alors ça tombe bien parce que j'ai l'extrait là. Attendez. Où on est tout là? Vas-y, t'es où? Bah je suis Michel, je t'ai dit. Ouais, mais je vais où? J'ai voulu. Quand il s'énerve en disant je suis des planchettes. C'est Street. Ouais, tombé, c'est des conneries, il est tête de mort. C'est un machin de la radio, t'as enculé là. Et là, je lui ai pris la tête avec les appels malveillants. Les messages de bienvenue, quoi. Allô? Ouais. Tu sais que... Eh, c'est de trou du cul, ouais. À moi, tu me traites de trou du cul, toi. Mais va te faire enculer. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton cul. Mais va baiser tes morts, mais tu te crois qui? Va baiser tes morts, bâtard. Tu sais à qui tu parles, là? Ta mère, je la retourne, je la baisse, dis de pute, t'as qu'à venir où je suis là, je te dis mon adresse, c'est une putain, tu sais même pas. T'as envie de te faire enculer? Bâtard, c'est toi qui as envie de te faire enculer, tête de mort. Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Bâtard, tu sais même pas à qui tu parles. Moi je dis mon nom, moi je m'appelle Cinto, moi j'habite aux planchettes. Vas-y, viens maintenant, viens, faire l'homme, viens. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts, bah moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Tu fais quoi, toi? C'est toi qui vas baiser tes morts. Traillasse ton moulin. Enculé, baisse tes morts. Ton trave que tu bounis d'alte colle ta maisie, je te baisse tes morts, t'encule tes morts, et je baisse ta mère et ton frère et ta soeur avec bâtard. C'est le trou du cul, ouais. C'est toi le trou du cul, et pédé, va. Moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la vie. Enculé, va te reculer. Je te jure, je te le jure sur la vie de tous mes morts, le jour où je t'ai quitté. On va s'arrêter là, je te le jure sur la vie de tous mes morts, je pense que ça restera quand même dans les annales. Non mais quand même, quand même. Ah ouais, lui il était au taquet. Tu le connais ou pas, Shinto, comme t'es aussi du plancher là? Bah oui, je le connais. Ah oui, d'accord, ok. Mais il est vraiment comme ça en vrai? Ouais, oui. Ça alors, c'est un truc de dingue quand même. Et tu connais sa meuf? Ouais. Ok, et elle aussi elle est comme ça en vrai? Non, elle est pire, il paraît. Putain, ça va être en bonne ambiance hein, quand même, hein, ça va être cool. Ah, c'est bon. Fou chez nous, c'est des fous. Bah ouais, ouais, je vois ça, ouais. Bon, bah Valentin, reste avec nous, tu vas participer au Apollo contre le reste du monde dans quelques minutes, d'accord? Bah ouais. Bon, bah bouge pas de là alors. Il y aura d'autres maillots aussi à gagner demain d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler. Je tiens à vous même à vous avertir. Prévenez vos potes, demain il y aura encore des maillots de foot à gagner, des ballons de foot, et demain on est jeudi. Ouais, mais oui. Demain c'est la totale. Oh là. Ah oui, demain c'est ballon de foot, maillot de foot et chaussures de foot. Ça vaut 450€, je vous offre les 4. Les 4 avec les deux chaussures évidemment. Et c'est les mêmes chaussures qu'il y a qu'avec lesquelles les joueurs jouent au Mondial 2014. Il y a les Nike, il y a les Adidas et il y a les Pumas. Les Pumas rose et bleu là. Les Pumas rose et bleu, exactement. Ouais. Donc à gagner demain à partir de 23h dans l'émission. Soyez bien là. Et puis ce que je propose, c'est que on est un peu en avance. Alors allons-y. Polo against the rest of the world. Tu lui as prévu une petite vidéo de cul ou pas ce soir? Bien sûr. Ah, ça va alors. Me voilà rassuré. Et celle-là, elle est grandiose. Ah, putain, mais bien. T'as pas autre chose à foutre, ça casse merde. Que, Polo, on l'a parlé cet après-midi en me disant, écoute, j'espère qu'il va mettre une vidéo et tout parce que moi, ça me motive, etc. Donc, me voilà rassuré. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. J'espère que tout le monde va bien et on est toujours sur Fun Radio. On commence avec Amandine. Amandine, je t'écoute. Oui, je suis là. Ouais, bah je t'écoute. Tu veux que je te dise quoi? Mais rien, c'est pas moi qui t'ai appelé, si? Non. Eh ben alors casse-toi, Adrien. Oui, bonjour monsieur Polo, je suis professeur de philosophie. Et alors? Bon allez, casse-toi. Marvin. Oui, Polo, comment Stop, tu vas? Je t'arrête tout de suite, ça te regarde pas. Écoute-moi, raconte un peu ton histoire à tout le monde là. Alors moi, ça fait 2 mois et demi, voire 3 mois que j'appelle non-stop au Polo contre le reste du monde. Ouais. Et à chaque fois, moi, c'est le bloc de merde et tu me dis de revenir tous voilà. Les jours. Pourquoi? Pourquoi je te dis de revenir tous les jours? Parce que tu m'aimes bien et tu veux pas me bannir de ton émission. Et ben voilà. Et comme je sais que t'es pas drôle, et ben je préfère t'arrêter à chaque fois. Le fou. Ouais, planchette. Ah, c'est la planchette, allez, casse-toi, là. Douce en tête. Allô? Ouais. Comment on va faire pour la guerre vu que j'ai plus de tête? Bon, on va t'en trouver une autre, t'inquiète pas, il y en a bien. Celle de Toff, elle sert à rien, tu veux pas la tête à Toff? Ah non, je veux pas être moche. Ah, tu fais moi le malin là, Renaud! La planchette! Je lui casse sur la tête! Renaud? Oui? Tu viens des planchettes toi aussi? Oui. Bon, comment ça se passe aux planchettes? C'est la merde. Ok. Brillant? Ouais. On t'écoute. Planchette représente. Toi aussi t'es des planchettes? Eh oui, je suis un pote fou. Putain, mais vous venez tous de la planchette là, c'est quoi? Vous avez volé des radios là-bas ou quoi là? Ouais, ouais. Bon, comment ça se passe aux planchettes? Ah, c'est des ouf. Bon, Jean-Jacques Dulac. Ouais, elle sert à rien la tête à Toff. De quoi? La tête à Toff, elle sert à rien. Ah non, il l'a là, mais si quelqu'un veut ah, moi j'avoue. Tu je veux ressembler, c'est mon rêve. Écoute, on va t'opérer puis on va te greffer la tête à Toff. Amandine, le retour, je t'écoute. Amandine. Oui, je suis là. Oh, mais qu'est-ce que t'es chiant. T'es bonne au moins, ouais, Amandine? Ouais, bah, t'as qu'à me goûter, tu verras bien, espèce de petit con. Ah, c'est bon, ça. Non, mais je te demande si t'es bonne parce que t'es chiante. Bah, toi aussi, t'es chiant. Ouais, je sais, moi, mais moi, je suis pas bonne. Tu sais tout le monde. Mais je t'ai rien demandé, moi, Amandine. Adrien. Monsieur Polo, il y a plusieurs vérités dans la vie, mais la plus sûre réside dans le pardon, vous savez ça? Non. Bon, la religion est née lorsque l'homme a pris conscience de la présence de la mort, vous savez ça? Non, j'en suis pas... Mais vous ne savez rien, monsieur Polo. Mais non, je sais rien. Vous ne savez rien, vous méritez un zéro. Eh ben écoute, c'est très bien, mais mets-moi un zéro. Marvin. Oui, tout à l'heure on parlait de l'épreuve des bacs là, en géographie. J'ai entendu que. Hop, Marvin, je t'arrête. Quoi? Je t'arrête. Pourquoi tu m'arrêtes? Parce que tu viens pourquoi ici? Bah discuter comme ça. Non, à la base. Ah non, mais j'ai discuté, moi j'aime bien discuter. Non, mais moi je m'en fous, j'ai pas envie de discuter avec toi. Tu viens pour raconter une blague? Non. Si? Bah je suis des planchettes. Bon d'accord. Le fou. Ta mère a fait ces trucs qui bite de l'enfer, connard. Ah là là, t'es intelligent, vous êtes intelligent dans vos planchettes, hein. Bah tu, on est un peu mongol. Ah oui, bah oui, ça se voit, on n'a pas besoin de le préciser, c'est écrit quand tu parles. Vas-y, ferme ta gueule, t'as un problème. Avec plaisir. Là. Non, c'est toi, regarde, c'est toi qui vas fermer ta gueule, regarde, allez, dégage d'ici. Le douce en tête. Polo. Ouais. Fais du gainage pour perdre de la caresse. Le douce en tête. Oui. Tu t'es auto-baptisé, tu t'es baptisé tout seul. Non. Et bah alors pourquoi tu te fais appeler le douce en tête? Mais parce que c'est vous. Non, n'oublie pas que c'est moi qui décide qui est doux et qui n'est pas doux. Renaud. Oui. On t'écoute. Eh ben moi je dis, il faut tuer tous les doux. D'accord, ok, merci. Brillant. Moi je te dis d'aller niquer ta mère, sale bâtard. D'accord, c'est tout. T'as quelque chose d'autre à dire? Pourquoi t'as viré le fou? Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons aux planchettes alors. Jean-Jacques Dulac, conclusion. Ouais, tu sais, j'ai déjà commencé à m'opérer moi. Je mets des coups de pied dans la gueule. Super, génial, brillant. Qu'est-ce qu'il y a? Casse-toi, Renaud. Ouais. Conclusion. Conclusion, eh ben, vive énergie et vive Polo. Ok, ouais, t'es le roi des abrutis, toi. Renaud. À fond. Tu devrais faire le test, là, avec l'eau. Voilà, je te fais un pari, voilà. T'es pas capable de te jeter dans l'eau. Et noie-toi un peu. Le douce en tête, conclusion. Ouais, faut dire à Renaud qu'il rentre dans sa bagnole parce qu'il faut pas tuer les doux. T'inquiète pas, je protège les doux, d'accord? J'ai 9 ans, je suis doux le plus jeune. Sérieux? Oui. N'oublie pas, je suis super doux et je protégerai tous les doux, d'accord? Oui. Allez, bonne nuit, ma gueule. Le fou! Tu peux faire générique avec toi, ma gueule. Avec plaisir. Marvin! Oui, non, Deux secondes. Amandine! Oui, quel est différent? Allez, fous le camp d'ici. Adrien! Peux faire le générique avec vous? Avec plaisir. Marvin! Ouais, non, mais tu sais, tout à l'heure, vous parliez de l'épreuve de géographie au bac. Mais Marvin, qu'est-ce que tu me racontes ça? Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête? Non, mais qu'il y avait plusieurs pôles. Mais il est où le pôle haut? Et il est où le pôle haut? Ah, il est où Marvin? Le pôle haut, ouais. Oui? Raccroche-toi au nez. Non. Si, vas-y, Marvin. Je rappelle demain, alors. Raccroche-toi au nez. Je rappelle demain. Raccroche-toi au nez! Je rappelle demain. Raccroche-toi au nez. Je rappelle demain. On verra ça demain. Demain est un autre jour. Raccroche-toi au nez, sale chien. Vite. Pourquoi, sale chien? Parce que c'est comme ça. Je suis pas un chien. Je suis des planchettes. Allez, fais vite. Ouais. Allez. Ouais. Allez, casse-toi d'ici. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Eh ben voilà, 2h tout pile, donc c'est la première fois qu'on termine à l'heure, ça alors. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va tout simplement faire le générique comme d'habitude. Et on va également, surtout même, faire le top tweetos. Nous allons enfin vérifier quel est le nom du numéro 1, celui qui a le plus envoyé de messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. Il y a le... Bon, on va évidemment commencer par le cinquième, hein, forcément. Et le premier repartira avec un magnifique sextoy offert par... PassageDuDésir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le numéro 5? Alors, le numéro 5, c'est Corentin. Le numéro 4, Virginie. Le numéro 3, Nadia Le Prince. Le numéro 2, Benjamin. Et le numéro 1, Fabien. Fabien, qui a déjà gagné, Fabien? Je crois pas. Non, bah voilà, bah bravo à toi, Fabien. Magnifique, tu repars avec un magnifique sextoy. Ça vaut quand même quasiment 100€. Offert par PassageDuDésir.fr. Allez, générique de fin maintenant, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, l'enculé. Tu bouffes des bites à toi, tu sais, toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom qui est vraiment pas comme quelqu'un comme toi. Oh merde, je suis encore moi. C'est toi qui accueille ton nom, t'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger qu'un papier de jour toute la journée. T'es un gros tripoule, ça veut dire rien dans le crâne. Je nique ta mère, hein. Mon gros bâtard que tu es, hein. Revenir, c'est vrai ou je suis seul à chanter? Tu veux t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je te passe ma bite sur la tête, je vais te couper ta croix. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Et ben voilà. Salut les gars. Salut. Salut vous, salut Adrien. Ciao à vous deux. Merci d'avoir appelé. Et puis on se retrouve demain, nous en pleine forme, sur Fun Radio. Tout ça bien sûr à partir de 23h. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est Loan qui va prendre le relais maintenant jusqu'à 6h du mat, l'heure à laquelle vous retrouverez bien entendu notre ami Bruno, qui a passé son anniversaire aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà. Bon anniversaire Bruno, on t'aime. T'es là ? Non, moi j'avais une question, les planches, les planchettes, c'est situé où en fait ? J'en sais rien. C'est un quartier. C'est un quartier, mais je sais pas où, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question d'ailleurs. Bah, Pourquoi t'as T'as eu peur ? Non, pas du tout, mais j'ai pas encore ma destination finale pour les vacances, donc je me dis pourquoi. Ah ben, très bon endroit, on peut te conseiller des trucs sympas là-bas. Ouais, pareil, les planchettes, c'est pas mal. Très, très, très sympathique, effectivement. On a des gens qui peuvent te faire la visite et tout. Voilà, ça, oui. Exact, ouais. Bon, son dance floor jusqu'à 6h du mat. Ouais. Très bien, non-stop, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pub pendant toute la nuit sur Fun Radio. Et puis, bah voilà, Loan s'occupera de vous, hein. Tranquille, bah, j'espère bien, oui. Bah oui, bah j'espère aussi, hein. Et on va se quitter avec Smash Electro Beach. Ça me paraît un bon plan. Parfait. Très bien. Allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain, juste après la dernière de Love in Fun. On sera là à partir de 23h avec les maillots de foot à gagner, évidemment. Salut tout le monde. Bonne journée et bonne nuit plutôt. Et bonne chance à ceux qui passent les brevets, là. Let's go to the beach.